Jesus, meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side, the city where the sun don't set. C'est terrible, on n'arrive pas à récupérer la personne enlevée par les extraterrestres. Oulala, ouais, oh non, il est enlevé. Il spam le standard, il veut plus décrocher, il ne veut plus témoigner. Et il se a rend peur. Compte qu'il allait raconter une grosse connerie. Non, il a peur des conséquences. Non, je suis très déçue. J'ai même pas vu. Il est enlevé. Le non-respect, quoi. S'il y a des PMU sur Mars, je veux bien venir. Non, mais il y a Lollipop sur la page Facebook qui dit: moi, je pense que les extraterrestres sont tous des gros psychopathes qui veulent nous tuer dans notre sommeil. Oula, fais attention à ce que tu dis quand même. Je te rappelle qu'on a un ovni dans cette émission. Oui, je suis là pour vous tuer. Et plus ça va, plus il prend une voix aiguë, lui. Ça va de plus en plus, il a une voix aiguë, ouais. Charlotte est avec nous à Paris juste avant de retrouver toute l'équipe de Love in Fun. Bonsoir, yes. Charlotte. Salut les filles! Charlotte, 38 ans déjà, première question. Est-ce que oui, tu crois aux extraterrestres ou est-ce que non, pour toi c'est une grosse connerie? Si, je crois. Oh. Qu'il y a une forme, mais bien sûr, il y a une forme de vie quelque part, c'est obligé. Ah, bonne c'est nouvelle! Obligé. Merci Charlotte, je suis avec toi et on t'écoute pour cette histoire. Du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Eh ben, en fait, on n'a jamais trop su ce que c'était exactement, mais on a fait du camping il y a quelques années entre potes. Et bah écoute, à un moment donné, dans le ciel, on l'a tous vu, il y a une lumière qui s'est allumée et qui s'est éteinte. Et on a même pas le temps de sortir nos téléphones ou quoi que ce soit pour prendre en photo. Mais on a tous vu ce truc. Alors, on avait plusieurs explications, satellite, un avion, je sais pas trop. Mais il y a eu ce machin qui s'est allumé à un moment donné dans le ciel. Et tout le monde l'a vu. D'accord, mais personne n'a pris des photos, des vidéos. Eh ben non, ça a duré quoi? Peut-être 3 secondes. Et le temps qu'on sorte les photos, on a tellement halluciné. Vraiment une lumière particulière. Ah, alors ça, preuve que les extraterrestres existent, là ils sont pas contents du témoignage, ils essayent de brouiller les pistes. Ah mais c'est sûr, hein. Alors, on l'entend plus, comme par hasard. Je sais qu'il y a certains oiseaux qui aiment bien faire la teuf aussi et qui emmènent des spotlights avec eux quand ils se baladent. Ils mettent une petite boule à facettes et puis ils dansent. Ça peut être ça des fois. On sait pas. Il est con. Je sais, moi, ils adorent Calvin Harris et tout en ce moment. Ouais. Bah, du coup, toi, Charlotte, ça t'a convaincu. T'es persuadée que ça venait. J'étais déjà bien convaincue. Et là, je suis certaine. Alors, peut-être pas cette fois-là, hein, peut-être pas ça, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Ça, c'est certain pour moi. T'imagines, comme l'univers est grand, c'est pas pour ça qu'il y a quelque chose qui part quand même, non? Bah, c'est ça qui nous donne envie d'y croire, c'est qu'effectivement, c'est sûr. Voilà. Ouais. Voilà, on est dans un grand bazar, un grand trou noir. Ça, c'est sûr, hein. Oui, Charlotte, moi je suis de ton avis et j'espère que ça m'arrivera un jour de voir un truc dans le ciel ou autre pour vous prouver. Comme ça, moi, je vais le filmer et je vous montrerai. Voilà, sors ton téléphone, tiens-toi prêt de ce jour-là, parce que je suis dégoûtée, du coup, personne ne me croit. Ah, je sais. Parce que j'ai pas de preuves, mais voilà, tiens-toi prêt. Mais on te croit, ma chacha, je te promets. Merci, c'est gentil. Allez, dessoule bien maintenant. Bisous. Au revoir. J'ai quelques questions à poser à Monsieur Lovni. D'accord. Bonjour. Oui. Alors déjà, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le look extraterrestre, des grands bonhommes verts et tout, là, petit look, petit Air Max tranquille et petite jean brute. Hein. Oui, on est toujours un petit peu sur le jean brut qui nous caractérise. D'accord. Et on entend beaucoup dire, Monsieur Lovni, que parfois, les extraterrestres pourraient prendre forme humaine pour se fondre dans la masse des terriens et que même certains extraterrestres vivraient parmi nous, alors, pour nous analyser. Effectivement, c'est vrai qu'on a caractérisé ce phénomène depuis quelques années. Nous ressemblons de plus en plus à des humains, des humanoïdes, comme on les appelle. Et qu'est-ce que vous mangez? Alors moi je suis martien, figurez-vous, donc c'est vrai qu'on mange des Mars. Hein, tout. Oh là là, mais là, mais casse-toi de là. Ah non, mais numéro 1 sur l'impro, celui-là. Ouais. Alors je peux même vous parler un petit peu. Nous aussi, on aime bien écouter de la musique. Il y a un truc qui vient de chez vous qu'on aime beaucoup. C'est ça. On m'appelle. Ah oui, Jul. Eh ben, bien vu. Putain, il est bon en humour. Hein. Ouais, il est pas mal. Mais tu sais que c'est le Gad Elmaleh de Mars. Hein. Ah oui. Oui, c'est moi, oui. Hey. Alors attendez, parce qu'on a une breaking news. Le mec qui s'est fait enlever par les extraterrestres, qu'est-ce qui se passe, Rémi? Il a rappelé, c'est ça? Donc il a rappelé. Il nous a dit qu'en fait il s'est fait enlever et pendant 3 heures, il pouvait plus respirer. Il avait une lumière blanche au-dessus de sa tête. Il était à moitié inconscient. Mais il n'a pas pu voir leur visage. Il a fait un coma éthylique, tout simplement. Non. Attends, c'est ouf le pauvre, parce que quelle que soit l'expérience qu'il a vécue, s'il a vraiment vécu ça, extraterrestre ou pas, ça doit être traumatisant. Ouais. Il était vraiment sérieux, mais juste il ne veut pas passer. Oui, non, mais j'entends bien, mais c'est dommage parce que du coup, c'est du coup, bon, bah, on n'en sait pas plus, quoi. Mais tu sais quoi, on en reparlera. On a le temps de le convaincre, ce jeune homme qu'on appellera Jean-Michel. Tu sais quoi, tu vas nous donner le numéro de téléphone de Jean-Mi, on l'appellera avec Marion demain. Ouais. Et puis tu vas dire un Béchal aussi. Non, tu t'es très bien exprimé. On a, tout le monde a compris Rémi, là, non? Ah, bah oui, j'ai même pas besoin de traduire. Ah, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est de mieux en mieux, mon Réré. Ouais. À la fin de la saison, on y arrivera. On va retrouver toute l'équipe, toute la belle. Toute... Oh, mais quelle branchette de belles personnes! Oh, merci beaucoup! Ils sont beaux! Karel, Alice et Doc, bonsoir. Ça va bien. Le week-end était cool? Bah, ouais, carrément. J'étais en train de penser à Rémi. Je suis désolé, mais pourquoi est-ce qu'il enlève son casque quand il fait de la radio, Rémi? Parce que Rémi, il a un casque pour parler avec les auditeurs et il y a un décalage. C'est pour ça que parfois ça nous fait beaucoup rire. Il y a trois secondes. Il parle comme ça et qu'il s'entend en décalage. Il n'arrive pas à parler, le pauvre. Mais même quand il enlève le casque, il a du mal. Alors, je me pose une question, mais Coco du Standard a le même casque et lui n'a pas ce problème pour parler. Attends, mais tu sais, c'est comme. C'est comme il y a des gens qui ont le rythme dans la peau, d'autres non. Oui, chacun ses qualités et ses défauts. Exactement. Ah ben voilà. Voilà. Donc la réponse était il ne sait pas danser. Voilà. Ouais. Exactement. Merci. On est quand même très content de l'avoir, notre Rémi, avec son problème de rythme verbal. C'est le meilleur, du coup. Exactement. Bon, bah, on vous laisse du coup avec Corentin, avec toute l'équipe. Oui, et on veut bien Rémi aussi. Tu sais quoi, prends-le. Allez, on vous embrasse, les chers. Rendez-vous demain, c'est Youssoufa qui sera notre invité. En direct des 20h sur Fun Radio. On vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. On est bien content d'être avec vous. J'espère que le week-end a été cool. Nous dans l'équipe, il y a eu des week-ends différents, j'ai envie de dire, hein, des week-ends voilà, où certaines personnes ont des revenus hauts en couleur, qui leur permettent de partir, de s'exiler. C'est sûr qu'il y en a ce week-end qui n'ont pas été privés de... Enfin, je veux dire qu'ils se sont fait bloquer par les gilets jaunes. Hein, oui. Quand tu passes ton week-end à Venise, forcément. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Moi, je m'appelle Karel. Doc est là, Alice également. Ça va les amis? Oui. Oui, et toi? Alors Doc, parti à Venise ce week-end. Oui, 48 heures dans la Sérénissime. Dans la Sérénissime, oh, putain. Et vraiment, elle l'est. C'est très, très apaisant, cet endroit. C'est incroyable. Alors, la vraie question, c'est, tu es allé à Venise avec qui, Doc? Tout seul, je suis allé rejoindre un de mes amis qui est vénitien. Ouais. Donc, il habite à Venise. Alors, qui croit à cette histoire? À moi. N'hésitez pas. À nous appeler au standard 01 42 48 5000. Qui peut aller à Venise tout seul pour aller voir un de ses potes qui habite soi-disant là-bas? Un vieil acteur. Un vieil acteur. Non, attends, oh là là, c'est, ça va trop loin là dans le détail. Oh putain. Tout à fait. Un vieil acteur. Un vieil acteur. Gustavo. Non, un vieil acteur Gustavo. Vénitien, italien. Ah oui, d'accord, ok. Parce que Gustavo, je voyais pas. Tu cherchais. Ah ben je cherchais Gustavo Belmondo. Non, c'est ça, un vieil acteur. Voilà. Non, c'est pas. Il exerce plus maintenant, quoi. si, toujours. Ah, en plus. D'accord. Alors, on va faire une recherche sur Internet, les amis. Cherchez-nous un acteur vénitien qui se prénomme Gustavo. Hein, et on va oh, ça va se finir qu'il est parti avec sa voisine. Hein, je vous le dis, comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va très bien. Moi, j'ai pas passé un week-end à Venise. J'ai fait babysitter pour chat. Donc, c'était plutôt sympa. J'adore les chats, sauf quand, tu vois, ils me réveillent genre à 7h du matin en train de me bouffer les doigts et tout. Mais sinon, c'était cool. Donc, t'avais un chat tout le week-end oui, chez toi? Oui, et d'ailleurs, il est encore chez moi à ce moment même. Et je sais pas comment je vais retrouver mon appart. Je vous avoue que c'est un peu le diable, le chétan de tous les chats. Ouais. Donc, j'ai peur pour mes rideaux, j'ai peur partout. Et justement, on parle de week-end. On vous a publié une petite photo sur le Fun Radio. Enfin, sur l'Instagram de Fun Radio, une petite photo de nous quatre. Une superbe photo. Ah oui. Incroyable. Elle est folle. Tout de suite. Et on s'intéresse à votre week-end, justement. Donc, mettez un petit soleil en com si vous avez passé un bon week-end. Et puis, un nuage plein de pluie si c'était un week-end pourri. Ah, moi, je sais pas comment parler de mon week-end. En fait, samedi, je voulais aller faire boutiques. Un week-end jaune. Ouais, c'est un week-end jaune. Je voulais aller faire les boutiques avec mon fils et tout. Tu vois, on avait prévu d'acheter 2-3 trucs. Et j'ai pas pu y aller. J'ai pas pu y aller parce qu'il y avait le blocage gilet jaune d'un jusque côté. Jusque chez toi, quoi. Non, mais jusque chez toi. Bah, pourtant, moi, j'habite à la campagne et tout. Bah ouais. Hein. Et alors, vous savez quoi? Et moi, franchement, je soutiens le mouvement. Après, je sais qu'il y en a qui ça a fait chier et tout pendant le week-end, etc. Mais il y a une grosse solidarité. J'ai vu plein de personnes avec sur le pare-brise et tout le gilet jaune. N'hésitez pas à nous en parler hein, si c'est un truc voilà que vous avez rencontré ce week-end. Vous voulez venir ici nous parler un petit peu de votre week-end en jaune, 01 42 48 5000. En attendant, Axel, lui, je suis persuadé qu'il a passé un bon week-end. Il est niçois, il a 20 ans. Et au moment où les températures se rafraîchissent, hein, j'en ai parlé avec Miss Météo Alice, bien sûr. Évidemment. Axel, est-ce que t'as passé un bon week-end, toi? Ouais, de ouf, j'ai passé un bon week-end. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai bossé, je suis sorti avec mes potes et là je suis allé rejoindre une amie à moi. Ils étaient aussi un peu bloqués par les gilets jaunes, c'était un peu la merde. D'accord, aujourd'hui ils étaient bloqués encore? Ouais, vers 21h30, ils sur la prom de la des Anglais, ils bloquaient un peu. D'accord, alors tu vas passer 2 heures avec nous, Axel, tu vas me réparer ton téléphone. Je te le dis tout de suite. Hein. Tu commences. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir? Un petit Sound of Legend, Silk City, Criss Cross Amsterdam. Un petit Criss Cross, le nouveau. Choisissez la musique, hein, tous les soirs entre 22h et minuit. Le son Dance Floor, le son que vous aimez hein, tous les soirs ici. Ça. C'est Silk City et Dua Lipa. Il y en a plein qui n'arrêtent pas de dire que Dua Lipa ressemble à Alice. Pas du tout. Ah oui. Enfin, moi, je trouve vraiment pas. Enfin, non, franchement. Tu remarqueras que j'ai pas dit Alice ressemble à Dua Lipa. Parce que c'est Dua Lipa qui ressemble à Alice. Parce qu'elle est plus jeune, c'est ça, enfoiré. On écoutera aussi Sound of Legend. All That Sucked Down. Alors du côté de l'AREA, c'est Kassim, hein, oui. Kassim le reproducteur et Coco et Méloche hein, qui vous attendent au standard 01 42 48 5000. Je rappelle que le numéro il est gratuit. Axel, on t'a rappelé là hein? Ouais. Ah voilà. Et en plus, on vous rappelle quand vous êtes sur l'antenne. On accueille vite Arthur. Arthur qui vient de chez toi aussi, Axel. Il a 20 ans, il est à Nice. Peut-être que vous êtes potes tous les deux. Salut Gardel, ça me dit rien. Non Axel, ça te dit rien, Arthur de... Ah bah... Arthur nous appelle de Bordeaux. Alors, sans déconner, il s'est passé un tour de magie. Sur mon écran, il y avait Arthur 20 ans Nice. Maintenant, c'est Arthur 20 ans Bordeaux. Alors, le mec vient de déménager en 2 secondes. Ça va, tu t'es bien installé, Arthur? Ça va, Arthur? Salut Karel, salut Alice, salut Doc, ça va? Salut. Ça va bien. T'habites à Nice ou à Bordeaux, toi? À Bordeaux, du coup, ouais. D'accord, mais t'habites à Nice, il y a 2 minutes. Non, du tout, ouais. Jamais. Déportation, c'est ça, ouais. Tu nous appelles pourquoi, Arthur? Dis-nous tout. Alors, voilà, bon, je vous explique mon problème, en fait. Ça fait un an et demi que je fais des études d'œnologie à Bordeaux. C'est le vin. Ouais, c'est ça, le vin, ouais. Et je suis en coloc avec donc un pote qui est au lycée avec moi, Loïc. Et le problème, c'est qu'en fait, moi, je suis super pudeur de nature et Loïc... super pudeur, franchement, tu... Non. C'était trop. Je suis pudique, ouais, pardon, ouais. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais on n'a pas envie de vous corriger, mais là, c'était trop. C'était trop. Et donc, je suis avec ce coloc-là, qui est mon pote depuis le lycée, puisqu'on a fait notre lycée ensemble et on s'est mis en coloc pour faire nos études d'œnologie. Et donc, le problème, c'est que Loïc, il se balade à poil dans la maison. Bon, il fait l'hélicoptère avec sa bite. Il bifle un peu tout. Ouais, c'est intéressant, ça. Il bifle un peu tout à droite, à gauche. Donne des petits coups de bif sur la télé, sur la telco. Bah, il revient de cuite, et puis voilà, il me chante une petite chanson à l'oreille. Pose ta bite sur mon épaule. Et il te la met sur l'épaule ou pas? Ouais. Il te met des petits coups de bifle sur le visage ou pas? Ouais, non. Ah, c'est horrible. Je dors, donc je me rappelle pas. Non, attends, mais... Et c'est du harcèlement, hein. Attention, Arthur. Hein, tu sais, à tout moment, on peut parler de harcèlement. Non, mais toi, c'est dans la vanne, quoi. C'est dans la vanne, mais en fait, bon, ça me fait pas trop rigoler, quoi. Force, c'est un peu. Ah oui, c'est lourd. Un peu chiant, ouais, il est à l'aise, mais un peu trop à l'aise. C'est quoi cette chanson, Arthur? Tu peux nous la chanter? Ghost habite sur mon épaule. Puis fait hélicoptère avec sa bite. Ah, c'est tout. Attends, je m'attendais avec des refrains, des couplets. Non, ça va, ouais. Attends, il est peut-être en train d'écrire la suite, hein, je sais pas, mais. Arthur, il y a Coco du Standard qui connaît la chanson Coco. Alors, Coco qui a été Géo, hein, Club Med, donc forcément. Ouais. Non, ça, c'était pas Géo avec les Club Med. Ah, c'était où ça? Ça, c'est à l'époque où je bossais avec les enfants. D'accord. Comment ça? Moi, je suis pas. J'ai les paroles de la chanson sous les yeux. Oui. Ça me fait peur, Coco. Attends. Explique les enfants. C'est parce que j'ai bossé en centre de loisirs. C'est une vanne. C'est pas vrai. D'accord. Ok. Allez, vas-y, Coco. Alors, ça fait pose ta bite sur mon épaule. Et si t'as faim, mange à vagin. Et si t'as faim, mange à vagin. D'accord. Alors, Arthur, on va régler ce problème. D'accord. Non, parce que tu peux pas supporter une chanson comme ça, clairement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ton coloc en direct, c'est ça? C'est ça le deal? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, pour lui faire comprendre que ça suffit. Ah, Axel, tu accepterais qu'on chante une chanson post-habit sur mon épaule, comme ça, là? Ouais, c'est comme une space, hein. Ça serait assez gênant quand même, hein. C'est ça. Arthur, c'est vraiment ton pote, je veux dire, il n'y a pas de sous-entendu. Non, c'est mon pote, il est un peu lourd, quoi. Enfin, tu lui as déjà parlé? Très lourd, même. Ouais, ben j'ai pas trop envie de lui parler de ça, parce que j'ai peur qu'il se foute un peu de ma gueule et tout, qu'il me prenne pas trop au sérieux. Ok, bon, on va se marrer. Et que lui, c'est tout le temps dans la vanne, quoi. Bon, franchement, c'est marrant, Arthur. Moi, j'aurais aimé qu'on me chante la chanson post-habit sur mon épaule. Ah, Arthur, restez avec nous. Dans un instant, nous allons appeler l'interprète de la chanson post-habit sur mon épaule. Et j'espère qu'il nous la chantera en direct sur Fun Radio, en faisant peut-être même l'hélicoptère, qui sait. Restez avec nous. On revient dans un instant avec vous tous, vous toutes. Tout à l'heure, on va jouer toute la semaine. On va vous offrir des montres Socharme certifiées Zaroski en participant à l'examen. Si vous voulez voir la photo de la montre, allez sur l'Insta de Love in Fun et vous aurez le choix entre, je crois, trois montres différentes. N'hésitez pas à vous inscrire au 01 42 48 5000 et on revient dans un instant avec DJ Snake. À tout de suite. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Nouveau son dans la playlist Fun Radio. Dua Lipa, Mark Ronson et Diplo. Alesso. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Avec les cadeaux Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec Orange, je vais réussir toutes mes photos de Noël grâce au Samsung Galaxy A9 et ses 4 capteurs photo. Et ben moi, avec Orange et le Galaxy A9 avec son objectif grand angle, toute ma famille va rentrer dans les photos de Noël. Mais moi, avec Orange, je peux m'offrir le Galaxy A9 avec ou sans abonnement. Attends, t'es pas chez Orange? Faut vraiment qu'on parle, hein. Pour Noël, offrez-vous le dernier Samsung Galaxy A9 en série limitée et en exclusivité chez Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Édition limitée et en exclusivité chez Orange jusqu'au 31 janvier 2019. Détails et tarifs en boutique et sur orange.fr. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série... Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. Avec le pack Open Up Fibre Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec mon pack Open Up Fibre, j'ai un super débit et deux décodeurs TV UHD pour profiter de tous mes contenus sur tous mes écrans en même temps. Moi, avec mon pack Open Up, j'ai un forfait mobile 50Go pour partager mes vidéos de Noël. Bah, ma vidéo de bûche a plus de likes que la tienne. Le pack Open Up Fibre 50Go est à 29,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 69,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Like signifie j'aime. Offre soumise à condition, dont 40€ par mois remboursés pour les nouveaux clients Orange. Engagement 12 mois minimum. Détails sur orange.fr. Téléchargez l'application gratuite Fun Radio. I'll be right here. I'll be at field when the stars go. Les Carrel, Alice et Doc. 22h minuit. Radio. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Vous savez que c'est l'émission où vous pouvez tout dire, une vraie libre antenne. Venez nous parler ici sur Fun Radio. Il y a un médecin, un spécialiste qui est avec nous tous les soirs. C'est Doc, il est sexologue. Il est vénitien ce soir. Il rentre de son petit week-end à Venise. Avec Alice également présente. Oui. On va dans un instant appeler Loïc, le pote d'Arthur qui fait l'hélicoptère. En fait, ils vivent en coloc. Il fait l'hélicoptère avec sa bite et il lui chante une chanson qui commence par « Pose ta bite sur mon épaule ». Alice a trouvé toutes les paroles. On va chanter la chanson dans un instant. Ah ouais. Oula. Non, calmez-vous. on ne pourra pas la chanter en entier. Je vous le dis tout de suite. Non, ça va très très loin, cette chanson. C'est une catastrophe. N'oubliez pas que depuis jeudi, vous le savez, nous allons passer 48 heures avec Love in Fun, mais surtout avec vous à Montpellier. Woo! C'est la ville qui a été tirée au sort. Oui, Montpellier. Nous allons passer 48 heures à Montpellier. Alors, si vous êtes Montpellierin, Montpelliéraine, et que vous voulez saquer nos gueules pendant 48 heures, oui, c'est possible. Il suffit de vous inscrire. Inscrivez-vous. Alors, on a mis un petit truc sur l'Insta Story, c'est ça, Alice? Oui, sur l'Insta Story de Love in Fun, vous avez juste à envoyer votre numéro. Et puis voilà, si vous habitez dans le coin de Montpellier, on va passer un bon week-end avec vous et surtout vous régaler aux frais de la princesse, comme bien Carole sûr, frais de la aime princesse, dire. Aux frais de la princesse sur l'autoroute du bonheur. Hein, n'hésitez pas à vous inscrire et franchement, c'est quand c'est prévu ça? Alors c'est le week-end du 30 novembre, il me semble, Kassim. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Non, parce que moi je savais pas quand c'était en fait. Mais t'es là au moins. ouais, c'est bon. Ouais. Cool. Ouais, je suis dispo. On sera tous là. On va retrouver Arthur vite. Arthur. Ouais. Arthur, là c'est le week-end, donc tu rentres en coloc. Mais non, t'es en coloc déjà là. C'est non-stop tout non, le temps. Non, en fait, non, on n'a pas cours lundi. Du coup, je rentre demain. En fait, je prends le train demain. Ok, lui, il est où là? Il est chez lui aussi. Lui, il est resté... lui, il est resté à la coloc et il est avec sa copine là. D'accord, ah, parce qu'il y a sa copine aussi qui vient tous les week-ends et non, tout. Ouais, en gros. D'accord. Quoi, de temps en temps, quoi. Ok, bon, et lui, il est parti dans un délire, c'est qu'il rentre un peu bourrasse et puis il te colle sa teub sur l'épaule. Ouais, même sans alcool, en fait. Hein. D'accord, c'est un délire. J'avais un pote comme ça. Toujours un, c'est celui qui se met à poil en fin de soirée, en fait, ouais, en général. C'est ça. C'est celui qui. En fin de soirée, hein, Très à l'aise, mais trop à l'aise. Bah oui, c'est celui qui dessine une bite en fin de soirée. Hein, généralement, quand t'es pose trop la bourré. Sienne. Exactement. Alors, Arthur, on appelle tout de suite Loïc parce que ça suffit. T'as envie ce soir de pousser un coup de gueule dance floor et on peut le comprendre. On appelle Loïc, c'est parti. Allez, ça sonne. Dans 2, 3. Ah, c'est bon. Arthur, tu lui parles, hein? Ah ouais. On appelle. Allô? Allô, Loïc? Oui, allô? Ouais, ça va? Ça va et toi, gros? Arthur? Ouais. Ouais, mais écoute, ouais. Je t'appelle parce qu'en fait, j'aimerais te le dire devant certaines personnes. La coloc, ça commence à suffire. En fait, j'en ai marre que tu te balades à poil. J'en ai marre que tu fasses l'hélicoptère avec ta bite devant moi. J'en ai marre que tu poses ta bite sur mon épaule. J'en ai marre des fois que tu casses des œufs avec ta bite. En fait, j'en ai marre de te voir à poil. Ça me saoule et je voulais te le dire. Je vais te le dire parce que bon, ça suffit en fait, voilà, j'en veux plus quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah voilà, enfin je veux dire quand... Non, c'est pas une blague, non. Bon, tu me l'as jamais dit ça que ça te faisait fait gros. Non, mais voilà quoi. Parce que y a un moment donné, enfin ça suffit quoi, j'en ai marre, j'en peux plus mec. J'en peux plus gros. On était potes et tout ça, lycée. Bon, après, voilà, la coloc, ça fait quand même un an et demi de coloc ensemble. Et à un moment donné, quoi, j'en peux plus. Tu casses des œufs avec ta bite, tu fais n'importe quoi. Un éléphant, ça pourtant, fait énormément. J'en ai marre. Bonsoir Loïc. Bonsoir, je suis obligé d'intervenir. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir l'artiste, déjà. Est-ce qu'on peut applaudir l'artiste? Le coup des œufs quand même. Bonsoir, il est capable. Bonsoir Loïc, t'es en direct sur Fun Radio, je vais tout t'expliquer. Le mec est capable de chanter une chanson et d'interpréter le fameux pose ta bite sur mon épaule, hein, qu'on a découvert. Le mec est capable de casser rien qu'avec sa teub des œufs. Moi je trouve ça fantastique. Quand on a un coloc d'une telle inventivité, Arthur, on ne se plaint pas. Maintenant, je peux comprendre que ce soit un peu chiant d'avoir régulièrement quelqu'un qui pose sa teub sur ton épaule. Ah bah oui. Oui, alors Loïc, d'accord. Tu es en direct sur Fun Radio, dans Love in Fun. Je m'appelle Karel, il y a un médecin, c'est Doc, il est là. Salut. Et il est sexologue. Bonjour. Et Alice. D'accord. Salut. Alice qui s'occupe des réseaux sociaux dans l'émission. C'est une grande gueule, mais elle aime beaucoup ta chanson. Elle aime beaucoup ta chanson. Ouais. C'est pas mal, c'est pas une chanson, c'est une poésie. C'est une poésie. Alors, Loïc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je peux comprendre qu'Arthur soit un peu énervé si c'est tout le temps. Oui, surtout quand on est pudique. Bah ouais, mais après ça, il me l'a jamais fait part, quoi, donc je pouvais pas le savoir jusqu'à maintenant. D'accord, parce que il le dit là. Il rigolait toujours de mes conneries, du coup, bah moi je le faisais parce que ça me faisait rire et ça te faisait rire aussi. Dans un délire, quoi. Bah moi, ça me. Pas que ça allait autant le gêner, quoi. Bah c'est ça, Arthur. Pourquoi t'en arrives là? On a l'impression que t'es en pleine rupture, quoi. Bah ouais, enfin je veux dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En plus. La dernière fois, il est à la douche, tu veux, et on a les chiottes juste à côté. Donc on n'a pas souvent le temps le matin et tout. Et le mec, un éléphant, ça trompe énormément à travers le rideau et tout. Enfin voilà. Enfin, c'est mais c'est génial. Il faut s'amuser, Arthur, des petites choses de la vie. Est-ce que ça teub te complexe? Oui, alors ça c'est possible. Ouais. Ça, c'est bien. Mais non, mais c'est pas cette teub qui me complexe. Ah, c'est jamais. Ah, si, c'est ça. Vu ta réaction, peut-être c'est ça. Peut-être que tu te dis, putain, elle est vraiment grosse, j'en ai marre de la voir. Elle m'énerve, je suis jalouse. Loïc, t'as une grosse teub? Non, ça va. Normal, je pense. Non, mais il y a déjà que vous n'avez pas émis de règles de colloque sur ce sujet-là. Vous auriez dû en parler tout de suite. Ou dès que ça arrivait la première fois, en disant, écoute, c'est drôle, c'est sympa, fais-le avec parcimonie, parce que c'est ce qui est rare, qui est sympathique, quand c'est tout le temps. Bon, au bout d'un moment, voilà, ça devient lourd. Ouais, c'est ça, c'est la répétition. C'est la répétition. En fait, voilà. Le poids de tes couilles sur son épaule, ça devient lourd. Tu vois? Loïc. Loïc, est-ce que t'es prêt à faire un effort aujourd'hui parce que tu prends conscience que c'est peut-être un petit peu trop? Bah ouais, moi je pensais pas que ça le faisait chier. Bah, il m'avait jamais rien dit auparavant, du coup je continuais parce que bah, je trouvais ça drôle. Donc tu vas faire un effort ? Bah je sais pas, j'ai pas le choix, c'est mon pote quoi. Bon bah alors maintenant chante-nous la chanson. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ça, chante-nous la chanson, fais-nous un petit kiff. Cette fameuse chanson, pose ta bite sur mon épaule. C'est pose ta bite sur mon épaule. À 12 ans, c'est qu'on s'entend. Non, mais attends. Il y a une autre version. Hop. Alors, cette chanson-là, on n'était pas au courant. Donc, on est. À 12 ans, non. Hein, mais je rappelle que c'est une chanson humoristique. Hein, je le dis. Paillarde. Ah oui, non, mais. Voilà, c'est une chanson paillarde, évidemment. Loïc ne pense pas ce qu'il vient de dire. Alice, tu t'es procuré les paroles de la chanson. Oui, c'est vrai. Le premier couplet, c'est bien pose ta bite sur mon épaule. Le second, c'est. Après, il y a plusieurs façons. Oui, c'est le second, on est plutôt sur pose ta chatte sur mon museau. Ensuite, ferme les yeux pour la faciale, tourne-toi pour la sodo, cale ta trique pour Véronique, mets ton poing dans mon vagin, pardon. Oh putain, ah ouais. Mets ton gland entre mes dents, mets ta pine dans ma narine, mets un thermomètre dans mon urètre, torche ton cul sur mes cheveux, trempe ton pénis dans le pastis, enfin ça n'arrête plus, hein. Mets ta tête dans la cuvette, trempe ton clito dans la maillot, pète-moi le frein dans le sopalin, tape ton pacmar sur le trottoir. Magnifique chanson qu'on a découverte. Ah, tu connaissais pas tout, Loïc, hein? Ouais, mais je sais pas, je trouve ça sale carrément là. Ah bah. Attends, tu te vois, quoi. Ta version Loïc est pas mieux, hein. Ouais, elle est même pire. Ouais, mais c'est plus marrant, quoi. C'est, ouais. Et je l'ai dit gentiment. Dans l'urètre, c'est sale. Bon, alors, Loïc, t'es avec ta copine ce soir? Ouais, mais là, elle dort. D'accord. Non, mais tu pensais que je voulais lui parler, c'est ça? Est-ce que tu lui poses ta bite sur son épaule? Non. Eh bah, voilà. Eh bah, avec Arthur, tu vas faire pareil. Oui, bah oui. J'ai bien compris le message. Arthur, voilà, je crois que le message est passé. Mais désolé, frère. Ouais, bon, ça va. En attendant, moi, Loïc, ça restera mon héros de la soirée. Ouais. Ah, bah, ouais. Arthur, t'aurais peut-être. Tu peux le faire une dernière fois ou pas, quand même? Non. Mais filme-le pour nous. Non, c'est bon, Loïc, on a fait le tour. Après ce que tu viens de dire, j'ai peur que tu dises n'importe quoi. Salut, Loïc. Ciao. Yes, merci, ciao. Salut. Et Arthur, tu nous tiens au courant, tu nous dis comment ça se passe après, d'accord? Même là-dessus, ouais, on va prendre de tes nouvelles, Arthur, pour savoir si ton épaule va mieux, d'accord? Ça marche. On t'embrasse fort, Arthur. Yes, salut l'équipe. Salut. Dans un instant sur Fun Radio, on va parler d'entourage à poil qu'on a pu croiser. C'est-à-dire, on ouvre une porte. Et là, mon Dieu. Bah là, on voit quelqu'un qui est tout nu et c'est pas forcément quelqu'un qu'on devrait voir tout nu, Alice. On reste dans le thème, en fait. On a reçu un message de Sophie. Elle a vu son grand-père à poil et elle était, c'était vraiment un gros choc pour elle parce que elle passe devant la salle de bain, elle le voit à poil, genre à moitié en érection, en train de remettre son peignoir. Oh, et du coup, depuis, elle a cette image vraiment de papy qui est plus tout jeune et puis, bah, tout simplement papy à poil, quoi. Papy à poil. Donc, on va parler de ces moments où vous avez vu de façon involontaire quelqu'un de votre entourage. Est-ce que vous avez trouvé ça gênant? C'était difficile d'en parler le lendemain ou quoi, ou au contraire vous êtes marré, racontez-nous. Moi j'ai vu la grand-mère d'une ex. Oh, la grand-mère, putain. Ah, c'était chaud. Heureusement c'était pas la tienne, quoi. Bah non, mais c'est vrai. Non, ouais, franchement c'était chaud. Et surtout le moment après, tu sais, quand tu te recroises et que t'es obligé de parler de ce qui s'est passé. Oh, voilà. Je vous dis tout dans un instant. Voici DJ Snake. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir. 01 42 48 5000. C'est Taki Taki. Bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Suavecito, bebé. Taqui, taqui. Taqui, taqui, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Bye. Bye. touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie get on. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. DJ Snake et Selena Gomez sur Fun Radio. 01 42 48 5000, appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit sur Fun Radio. Et je vous invite là à aller liker et commenter la photo qu'on vous a postée sur l'Instagram de Fun Radio. Petite photo voilà, de toute l'équipe. Je vois Kassim sur cette photo. Ouais. Je vois Doc, plutôt beau gosse. Je vois moi qui fait n'importe quoi. Et puis Alice avec un sourire ravageur. N'hésitez pas. Alors n'hésitez pas, parce qu'en plus on vous a posé une question. On vous a demandé, alors ça c'est la question d'Alice. Mais et oui. Quelle a été votre météo du week-end? Oui, c'est ça. Hein, alors là, il faut faire la chasse aux smileys, hein, trouver des petits smileys soleil, des petits smileys pluie, et n'hésitez pas à commenter et à nous dire, et surtout que vous allez pouvoir repartir avec, comment ça s'appelle? T'as un pack? Non, on filme mieux que ça. Un sextile? Non, c'est mieux que ça. Un drone. Ah, un mini drone? Ouais, on va filer un mini drone. On va filer un mini drone? On va filer un mini drone. Et bah alors, dans ces cas-là, je rectifie parce que tu sais pas lire la légende. Je vous demande pas votre météo du week-end. Je vous demande juste si votre week-end s'est bien passé ou pas. Et dans ces cas-là, si c'est bien passé, vous mettez un petit soleil. Si c'est pas bien passé, et ben dans ces cas-là, un temps pluvieux, un peu de tonnerre, quoi. J'avais bien compris, Alice. Parmi tous les commentaires, on fera un tirage au sort. On filera un mini drone. Voilà. Le mini drone Love in Fun a gagné. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur l'Instagram de Fun Radio. C'est la dernière photo hein, qui a été postée. C'est ça. Vous avez jusqu'à minuit. On fera un tirage au sort et on vous mettra en commentaire voilà, la personne qui a gagné ce tirage au sort. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais n'importe quoi. Putain, mais bravo, qu'est-ce que t'en savais? Bon, on est à deux doigts d'avoir un conflit là. Ça vraiment, pas du tout, au contraire. On n'a jamais été aussi proches l'un de l'autre. Mais non, pas du tout. On va se faire le zap de Coco parce qu'on l'aime. C'est parti. Oui. Le zap de Coco. Love in Fun sur Fun Radio. Oui, c'est le zap de Coco. Alors Coco, c'est un standardiste de Love in Fun qui nous a rejoint début septembre, à qui on a donné sa chance. Sa chance déjà pour être au standard avec nous. Eh oui, et sa chance d'être un petit peu chroniqueur pendant quelques minutes sur Fun Radio en faisant son zapping. D'abord, Coco, bonsoir Coco. Ah, tu me stresses, Karel, c'est horrible. Attends, je te lance, je te prépare. Mais quand tu lances un jeune, peut-être futur animateur, c'est comme quand Zizou dit à Kylian Mbappé, je vais t'apprendre à faire un contrôle, mec. Ça te fout les boules, mec. Coco. Coco, comment ça va aujourd'hui? Bah alors moi ça va bien, puis de toute manière dans l'ensemble, hein, dans la généralité, on a passé une super semaine. Mais au fond, parmi nous, il y en a un qui est triste. Cet homme qui est triste, c'est notre ami Karel. C'est terre bretonne lui manque et il l'exprime. Fier d'être breton, hein, comme tous les bretons. Fier d'être breton, on le dit pas assez. Mais, et ça fait plaisir. Ah si, moi je le dis tous les soirs. Ah ouais, vous dites beaucoup. L'hymne national breton, s'il vous plaît. Ah non, pas Nolwenn. Mais c'est ça? C'est n'importe quoi. Vive la Bretagne. J'ai un énorme respect pour nos amis bretons. Une terre qui a vu grandir des gens comme Olivier de Kersauzon, Johan Kersoson, Johan Gourcuff, ouais, Jean-Yves Lafesse et bien sûr Karel. Vous êtes courageux les bigoudins. Bah oui, à force de chier du kouign-amann et du beurre de micelle, ça doit vachement vous gratter le cul les gars. Ah, c'est vrai. Vous êtes courageux. Fais gaffe, hein. Chronique. Non, sérieusement, dans Love in Fun, vous le savez, vous pouvez tout dire. Vous venez comme vous êtes et c'est Karel cette semaine qui nous montre l'exemple. Il s'est confié à nous. Je me fais enculer dans tous les sens avec des mecs et tout machin, enfin. Oh là, dis donc, ça doit être sorti de son contexte. Alors, on ne touche à rien avec Cassim, on ne touche à rien. Bon, qui parle anglais dans cette équipe? Personne, très bien, ça rassure. Si, toi, Karel. Ouais, yes. Il y a un auditeur, lui, quand tu lui demandes d'écrire le mot sexapile, il comprend pas en fait que c'est de l'anglais. Épeler le mot sexapile. Pizza. Ouais, vas-y, Adrien. Oh, S-E-X-E, espace A, espace P-I-L-E. Il a écrit presque sexe, hey, plus loin A, plus loin pile. Un sexe avec des piles. Exactement. Bah oui, il avait compris sexe à pile. Ça marche avec des piles, non? Alors, ce qui marche avec des piles, c'est un god, hein, god Michel. Karel, tu nous as parlé cette semaine d'une ex-camarade d'école. Ouais. Tu t'en rappelles? Non. Qui se moquait de toi à l'époque. Il y en a plusieurs. Marina Taraval, écoute ça. Marina Taraval, qui arrêtait pas de dire que j'étais un boudin. Eh ben, j'ai vu des photos d'elle sur Facebook maintenant. C'est elle le boudin. Et c'est qui le boudin maintenant? Hein, Marina? Marina? Oui, je t'ai vu sur Facebook. Eh ben, t'as pris du poids. T'es devenue moche. Des excuses à présenter, Karel? Mais pas du tout. Eh, franchement, elle m'avait fait la misère, elle. Elle t'avait fait vraiment la misère? Ah ouais, ouais. Bah, ça tombe bien parce que je l'ai retrouvée sur Facebook. Facebook et elle a un message pour toi. Ah ouais? D'un coup. Salut Karel, c'est Marina. C'est le gros boudin là que t'as retrouvé sur Facebook. Dis-moi, j'écoute ton émission. J'aimerais bien savoir si tes collègues ils t'appellent petite bite. Il faut dire qu'à l'époque t'étais pas très bien monté. Allez, salut. Alors, petite bite. Je suis sûr c'est elle. Franchement, elle avait pas une voix dégueulasse comme celle-là. Elle a vieilli, elle a pris de l'âge. Hein, elle a fumé des gauloises sans filtre. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. C'est qui que t'as appelé? C'est pas Marina? Ah, ça. Tu te jures que c'est Marina? C'est vrai? Marina Taraval. Oh, je sais plus. Taraval. Ah bah, tu vois, sur Facebook, je l'ai retrouvée. C'est quoi? J'appellerai Marina et je m'expliquerai avec elle. Et ben on en discutera peut-être pendant les 48 heures. Peut-être qu'on ira en Bretagne, qui sait? Ah, peut-être. On saura ça tout à l'heure. Ah, au fait, Karel, t'as une sale habitude. Attends, c'est ma fête ou quoi? Oui, j'ai l'impression. J'aime beaucoup. C'est ta fête. Ah ouais, vas-y. T'as une sale habitude. C'est en général quand tu lances la question à la con, tu sais, comme si tu te rappelles d'Interville, ce super souvenir. Top à la vachette. Exactement. Bah écoute ce que tu fais. Top à la question. Et moi, ça me fait penser à Robert Wirtz. Je sais pas si vous vous rappelez. Qui était un arbitre de foot qui arbitrait aussi dans Interville et ça rendait ça. Top à la vachette. Ça ressemble. Et je suis allé encore plus loin. J'ai imaginé un scénario. Ouais. Genre, imagine-toi, on est dans Interville reprend. Ouais. C'est diffusé sur Love in Fun TV tous les jeudis soirs. Donc c'est en ce moment. Et là, tu sais, on fait un jeu dans l'arène et on présente la vachette Alice. Okay. Un chien de 3 ans qui pèse 198 kilos. Elle est immature. Alors attention, rien l'amuse. Et Karel, le présentateur, à ce moment-là, tu sais, il met en garde les participants sur la vachette Alice. Et Alice est bélier. Ouais. Ça ne m'étonne pas d'Alice, hein, qu'elle soit bélier. Fonce dans le tas, Alice. Et puis à ce moment-là, bah, on lâche la vachette, quoi. Top à la question. Et voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Voilà. Interville by Love in Fun. Ah, bien. Bah, attends, ça travaille. C'est hein. Fini. Bah oui, bah, on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on s'amuse avec mon Cassim, hein. Voilà, sur ce, on se dit à jeudi prochain. Bon week-end. Ah, salut. Salut. Ah ouais, bah, c'était une spéciale Karel. Ah ouais. C'est plaisir. Ah oh putain, la musique, c'était la musique d'Interville, ça. Bonne soirée tout le monde, merci d'écouter Fun Radio. Et oui, nous sommes là tous les soirs du dimanche au jeudi. Là, on vient de se réécouter le Zap de Coco. C'était jeudi soir le dimanche. On se fait toujours le Zap de Coco. Par contre, jeudi soir, on n'a pas eu le temps d'appeler le papa de Coco. Je rappelle que c'est le père de Coco du Standard qui choisit si son fils revient la semaine prochaine avec un nouveau Zap ou pas. On appelle tout de suite le papa de Coco. Il a eu tout un week-end pour réfléchir à la prestation de son fils. Dira-t-il oui? Dira-t-il non? La réponse? Oui, allô? Bonsoir! Bonsoir, papa de Coco! Bonsoir, toute l'équipe! Bonsoir, Clo-Clo! Ça va? Ça va? On vous dérange pas, Clo-Clo? Non, jamais. Bon, alors, on n'a pas eu le temps de vous appeler jeudi soir. Peut-être que vous attendiez notre appel? Oui, non. Oui, un petit peu quand même. Je suis sûr que vous vous étiez préparé à votre intervention, Clo-Clo. Je dis oui, mais là, pas du tout. Mais voilà, et ben c'est comme ça qu'on est le meilleur. Hein. C'est quand on se laisse aller au naturel. Clo-Clo, est-ce que vous écoutiez l'émission ce soir, Clo-Clo? Oui, j'étais en train d'écouter l'émission. Ça va, t'aimes bien ce soir ou pas? C'est sympa? Pas du tout. Ah. C'est de la merde. Ah, ça j'adore. Ah bon, c'est pas terrible ce soir? Non, c'est pas terrible du tout. Il doit avoir une dent contre toi, Karel, parce qu'il t'en veut qu'à toi. Ah, tu parles du zap de Coco. Ah oui. Bah là, on est d'accord là. Alors, t'as remarqué, non mais tu connais bien Clo-Clo, qui aime bien, châtie bien. Ouais, mais là c'était trop dur, il est trop dur. Il est trop dur. Non mais alors, ça peut te rassurer, Clo-Clo, je le prends très bien. Moi j'ai. Je fais un peu d'autodérision. Hein, je ne me prends pas au sérieux. Hein, enfin, pas tous les jours, mais. Mais alors, Clo-Clo, malgré cet avertissement, parce que tu penses qu'il est allé trop loin avec moi jeudi soir, est-ce que tu donnes ton accord pour que Coco revienne faire son zapping jeudi prochain? Je donne mon accord, mais il faut qu'il fasse des gros efforts. Oh! On est d'accord! Sinon, qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine? Une tape sur le cul. Bah non, c'est trop sympa. Non, sinon la semaine prochaine, ce sera une semaine sans zap de Coco. Donc le premier avertissement, et je rappelle qu'au deuxième avertissement, il n'y a plus de Coco au standard. Il y a du Clo-Clo. Et on accueillera Mélo du standard. Voilà, ça fait plaisir. Méloche qui alors, faut le savoir, Méloche, elle est en tsoum-tsoum, tranquille, en train de préparer son zap de Méloche. Ouais. Non mais attends, c'est quoi, bientôt on va avoir le zap de Méloche. Je viens d'avoir une super idée. Ah grave, on va les mettre en concurrence. Oh putain, on pourra appeler ton papa Méloche. Non. Bah non, on appelle à ta mère. On appelle à ta mère. Voilà. Et alors, le zap de Coco, ça revient jeudi prochain. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. T'es content, Coco? Ouais. Par contre, j'ai un petit message à passer. Oui, dis-moi. J'ai un bonjour à donner à Cassim. Oui. De la part de Sylvie de Dijon, elle le trouve très mignon. Ah, c'est cool, je vais pouvoir enfin baiser. Clo-Clo, les petites annonces, on s'en fout, hein. Non, c'est très important pour Cassine. Bon, c'est vrai que, mais tu sais qu'il a une femme en ce moment. Ah bon? Oui, il cache bien son jeu. Il me l'a pas dit dimanche dernier. Ah, parce que vous vous êtes vu dimanche dernier. Ah oui. Exact, mais il est venu tout seul. Ah bah non, on n'était pas encore arrivé. Tu sais que nous, on arrive 5 minutes avant l'émission, hein. Ah bon. Mais non, ils se sont vus pour un brunch dans notre dos. Ah d'accord. Ouais, ils ont fait ça, tu sais. Avec Clo-Clo et Cassim et tout. C'est là qu'on reconnaît les vrais amis. Ouais, grave. Et Clo-Clo. Oui. Ne nous invite surtout pas la prochaine fois. À bientôt, Clo-Clo. Allez, merci salut. Beaucoup. Salut. Et Coco revient donc jeudi prochain. T'es content, Axel de Nice? Toi aussi, tu voulais qu'il revienne ou pas, notre auditeur du soir? Ouais. Bon, ça fait plaisir. On va parler du No Nut November. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, Johan. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Johan, t'as 19 ans et t'es à Limoges. Oui, c'est ça, oui. T'appelles pour nous parler du No Nut November? Oui, exactement, oui. C'est une drôle d'histoire encore. C'est quoi ça? C'est ne pas se masturber ni avoir de rapport pendant le mois de novembre. Ah oui, ouais. J'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est pour se préparer au mois de décembre. November, oui. Ah, mais attends, pour se préparer. Au Destroy Dick December, où tu fais une fois l'amour le premier, deux fois l'amour le deux, trois fois l'amour le trois, et ainsi de suite. C'est ton calendrier de Noël, bah voilà. Mais putain, ça fait mal. Voilà. Ah, et Johan, tu nous parles dans un instant. Johan, ça doit être dur pour toi. On est combien? Le 18. On est le 18. À 18 jours là, tu tiens le choc? Machine de guerre. On est de tout cœur avec toi. Johan nous raconte ce No-Note November dans un instant. Et on vient avec Keymotion sur Fun Radio. À tout de suite, les amis. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Salut, c'est Bruno. Vous pensiez que l'émission cette semaine c'était du grand n'importe quoi? La semaine prochaine ce sera pire. Mesmer va venir nous hypnotiser dans l'émission. Et vendredi matin, on sera en direct de chez Vaché. En plus, il y aura de l'argent à gagner tous les jours. Des Samsung Galaxy S9. Vous avez intérêt à passer, hein. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série... Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW Série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. Votre pharaon est de retour. Fun Radio présente la 5e édition du Festival Pharaonique au Phare à Chambéry. Pharaonique Festival. Samedi 16 mars. Fun. Retrouvez les DJ Fun Radio, Timmy Trumpet, Offenbach et plein d'autres, tous réunis sur le plus grand dance floor de Savoie. La 5e édition du Festival Pharaonique en direct du Phare à Chambéry. C'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Info et réservation sur pharaonique.fr. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Sound of Legend sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. C'est nous tous les soirs, hein, en direct du dimanche au jeudi de 22h à minuit avec vous tous, vous toutes. Vous pouvez réagir au standard au 01 42 48 5000. On va parler d'un phénomène. Alors moi, j'étais pas trop au courant. Je connaissais le Movember, hein, où le but c'est de se laisser pousser la moustache pour entre autres sensibiliser sur le cancer de la prostate. Hein, tout c'est à fait, ça, c'est fait pour récolter des fonds aussi. Hein. Derrière, il y a une fondation qui fait du business sur la. Sur donner de l'argent, ouais, ça sert à ça, mais effectivement, c'est se laisser pousser la moustache pour parler du cancer de la prostate. Ah ouais, c'est quelque chose en plus qu'on fait régulièrement à Fun Radio. Mais à côté de ça, il y a le No Nut November. Et c'est Johan qui est là pour nous en parler. Il a 19 ans, il est de Limoges. Alors, imaginez-vous et mettez-vous à sa place. Je ne sais pas si tout le monde serait capable de faire ça. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Toi, jeune, comment ça va? Ça va. Si je te montre une vidéo un peu érotique, tu te sentirais comment? Dans le mal, vraiment dans le mal. Pourquoi, Johan, tu nous appelles ce soir? Parce qu'au fait, c'est une idée qui est venue de ma copine. Et parce qu'au fait, ses copines font pareil avec leurs copains, donc on est un peu tous dans le même cas. Mais au fait, du coup, on fait plus rien depuis le 1er novembre. Et moi, quand je sors sur l'île ou quand je commence à regarder un film et que ça part un peu en vrille, et ben ça commence à... Attends. Parce que tu lui dis, tu fais plus rien. Tu fais plus rien. C'est-à-dire, pendant tout un mois, tu ne dois pas éjaculer. Donc pas de masturbation, pas de rapport sexuel. Voilà, c'est ça, exactement. Ah oui. Et puis j'ai aussi également peur, ça mette un peu de distance avec ma copine, tout ça. Même si elle est là pour me dire oui, non, mais ça va aller. Et même si c'est son idée, moi je trouve ça un peu moyen, on va dire. Ça va être bien quand vous allez vous retrouver. Ouais, surtout le 31 décembre, ça va être génial. Ah mais alors, il faut expliquer le concept, c'est parce qu'il y a un mois de novembre et il y a un mois de décembre. Donc t'as le no-not November et le mois de décembre, c'est quoi Alice? C'est le Destroy Dick December. Ah. Donc ça veut dire que le 1er décembre, tu fais une fois l'amour, le 2 décembre, tu fais deux fois l'amour, le 3 décembre, le 31 décembre, tu fais 31 fois l'amour. Ouais. Ouais. Ça rime. Toutes les 3-4 fois par heure. Non, et c'est 31 fois en une journée. En 24 heures, ça fait une fois et demie par heure, c'est compliqué. Non, mais tu n'y arriveras jamais. Tu peux pas, surtout si la veille. 3 fois en 2 heures. Ah oui. Mais non, mais surtout si la veille, tu t'es tapé les 30 fois. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est ça. Il y a déjà le principe de faire l'amour 30 fois en 24 heures, c'est déjà énorme. Mais en plus, quand t'as dû endosser, ça fait combien de fois en un mois si on calcule, c'est hallucinant. Axel, tu pourrais faire ça ou pas, toi? Déjà, se retenir pendant un mois, c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup. Genre, on est des hommes, on a des pulsions. C'est comme oh ça. Oh là là, cette phrase de merde. Ouais, non, mais ça, tu peux. Mais non, mais c'est tout le monde, même les femmes. C'est comme ça. Toute mais pulsion après... se contrôle. Hein. Parfois, j'ai envie de chocolat, mais je le laisse dans mon frigo, tu vois. C'est ça. C'est pareil pour tout. Sauf la pulsion McDo, ça c'est un truc que personne ne peut contrôler. Enfin, mais c'est vrai. Non, mais tout le monde. Il faut savoir que le sexe, la masturbation, moins tu le fais, moins t'as envie de le faire. Ça diminue progressivement. Alors c'est sûr que si t'es passé par exemple au mois d'octobre et que tu t'es masturbé ou que t'as eu des rapports sexuels tous les jours, c'est sûr que ça va être difficile de faire zéro au mois de novembre. Mais c'est si ça. Tu l'as fait progressivement, doucement, en le sachant un peu à l'avance, c'est faisable, c'est largement faisable. Ouais. Après, décembre, en revanche, me semble difficile à assurer. C'est ça, c'est parce ça. Que en fait, 30 éjaculations le même jour, je vois pas. Alors, franchement, Johan, qu'est-ce qui est le plus dur là actuellement là? Et c'est intéressant, quelles sont les tentations que tu peux avoir au quotidien? Parce que j'imagine que le genre de sensation que tu peux avoir normalement quand tu te masturbes régulièrement, etc., c'est complètement différent quand t'as pas le droit de le faire, quoi. C'est surtout quand, par exemple, quand je sors boire un verre sur l'île, ou même encore regarder des séries, des films ou quoi, et que ça commence à un petit peu chauffer, franchement, ça donne envie. Mais voilà, après, c'est un choix, et puis c'est bien pour la cause des maladies masculines, genre le cancer des testicules, tout ça. Parce que moi, je connaissais pas du tout le concept, et c'est à force de se renseigner qu'on apprend plein de choses, en fait. Donc voilà, c'est aussi bien. Alors, franchement, l'idée est bonne, c'est vrai. Ouais, hein. Carrément. Et je trouve que le Destroy Dick December, c'est vraiment cool. mais ta copine te chauffe pas, j'espère. Des fois, franchement, ça, c'est dur, c'est très dur. Quand on est le soir à deux, c'est très dur. Mais moi, je me dis que le 1er décembre, ça va être le carnaval, quoi. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on a Méloche du Standard qui le fait, mais sans. Elle était même pas au courant qu'elle le faisait. C'est-à-dire moi, je soutiens les causes depuis très longtemps. Elle vit en coloc actuellement, donc elle ne peut même pas se toucher. Hein, elle ne se touche jamais. Et elle n'a pas fait l'amour depuis combien de jours, Méloche? 577 jours. Merde. Alors respect. Alors là, merci. Hey, tu vois Johan, hein? Tu peux y arriver, Johan. Carrément, le seul vraiment, c'est vraiment les films et les sorties, parce que forcément on voit par exemple quand je sors boire un verre, les filles sont un peu plus, on va dire, plus déshabillé. Non, non, c'est dans ta tête qu'elles sont déshabillées, parce que là, c'est l'hiver, mon gars. Johan, il a beaucoup d'imagination. Bien sûr, Johan, des mini-jupes en plein hiver, bien sûr. Tu dois t'exciter devant tout, tu sais. C'est vrai, mais sincèrement, c'est dur. C'est pas si facile que ça. Et puis, bah voilà quoi. Moi, okay. Tu te touches là quand tu parles? Ouais. Est-ce que t'as l'impression que tu frottes ta table en même temps? C'est pas facile. Le mec, au moment où il nous parle, il est en train de se branler et tout quoi. C'est pas facile. Johan, ce qu'on va faire avec toi, c'est qu'on va t'appeler tous les soirs. Et on va te soutenir tous les soirs pour ton Not November, depuis qu'on sait que tu le fais, pour t'accompagner jusqu'au dernier jour. Parce que chaque jour qui va passer, ça va être de plus en plus difficile. Oui, mais je pense que après c'est un train de vie à prendre aussi. Je sais pas, parce que moi c'est vraiment la première fois, c'est que la deuxième année que ça existe. Si je m'étais bien renseigné, c'était ça. Oui. C'est seulement la deuxième année moi pour l'instant. Voilà, ça va encore, mais je pense qu'au fil à mesure du temps, ça va être de plus en plus difficile. Ça fait plus dur, là. Justement, c'est et pour ça. Et puis, moins t'y penses et mieux c'est. C'est-à-dire qu'il faut vivre tes journées sans y penser. Si tu te dis, tiens, encore un jour de plus et tout, ça va être difficile. Donc, il faut vraiment vivre ta journée sans y penser. Enfin, en essayant, en tout cas, de pas y penser. Au travail, tout ça, ça va. C'est plus en rentrant à la maison quand on retrouve sa copine. Quand on est rien qu'à deux devant la télé ou quoi, c'est différent encore. Ouais, mais il faut qu'elle s'habille en pilou-pilou, qu'elle mette des trucs qui t'excitent pas, qu'elle essaye exprès de tout faire pour pas t'exciter, puis toi aussi pour pas vous chauffer l'un l'autre. Ça veut rien dire, Doc. Hein. Moi, j'ai pécho en grenouillère pilou-pilou, hein, Ça m'étonne pas. Non, ça m'étonne pas non plus. Grenouillère zèbre. Et moi, j'ai vu une fois Alice déguisée en Pikachu et j'ai envie de me taper Pikachu. Pardon. Je fais le Not November aussi. Je n'en peux plus. Johan, on se rappelle. Est-ce que t'es d'accord pour qu'on lance la grande opération du Not November sur les 15 derniers jours qui restent là? C'est-à-dire m'appeler tous les jours, c'est ça? Ouais, on va t'appeler tous les soirs. Pour t'y faire penser, pour te rendre des choses encore plus difficiles, tu vois. Moi, normalement, je travaille de nuit, du coup, je sais pas, mais. Si tu travailles de nuit, c'est parfait, puisque on est là entre 22h et minuit. Tu pourras bien prendre 30 secondes pour nous dire si tu tiens le choc. Pourquoi pas. Allez, soyons fous. Allez, Johan, écoute ça. C'est pas cool, ça. C'est pour le 1er décembre, Johan. Courage, Johan. On embrasse fort, Johan. Bravo, Johan. Bonne soirée à tous et puis bonne continuation. Et à demain. Je vous dis à demain. À demain, Johan. Et pas de branlette ce soir. Hein. Et attention, tiens choc. C'est pas interdit. Salut, Johan. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Salut, gros bisous. Axel, notre auditeur du soir, t'es là ou pas, mon poteau? Ça va, hein? Alors Axel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler là dans un instant des personnes de notre entourage qu'on a déjà vues, involontairement nues. Hein, je sais pas si ça t'est arrivé toi, Axel, de croiser une grand-mère, une tante. Heureusement, non. Une cousine? Non plus. Jamais. Non. Moi j'en ai vu des gens à poil. J'ai autant de te dire. J'ai même vu Cassim à poil, c'est pour vous dire. Et c'était pas joli. Ah non. La graisse que t'as accumulée, sans déconner. Pas joli. Dans un instant sur Fun Radio, avec vous tous, vous toutes. Si vous avez déjà vu quelqu'un de votre entourage, ça peut être un membre de la famille ou un membre de la famille de votre copain, de votre copine, et vous l'avez vu à poil, n'hésitez pas à venir nous raconter comment ça a été pour vous, si ça a été un gros moment de malaise. Voici Dua Lipa sur Fun Radio. Baby, even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. To you, and even if I could, I wouldn't turn on you, and I would. Silk City, Dua Lipa sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs, Loving Fun. 22h à minuit sur Fun Radio. Je pensais pas en parler, mais je me sens d'en parler. J'ai reçu ce week-end un message Instagram de Dua Lipa qui me dit qu'elle va bientôt venir à Paris et qu'elle souhaiterait me rencontrer. Non mais n'importe quoi. Mais je vous jure que c'est vrai. Mais j'y crois pas du tout. Mais je peux te montrer le message. Je te montrerai tout à l'heure. On l'écoutera dans un instant parce que j'ai envie de le réentendre. Dua Lipa, c'est devenu mon artiste préféré. Bah, on vient de l'écouter, tranquille. Non, je sais pas ce que j'ai avec Dua Lipa, mais c'est vrai qu'elle est jolie, hein. Mais bon, ça marche pas. Si t'essaies de me rendre jalouse, vraiment, y a pas de souci. Putain, tu vois, Cassie, même ça marche pas du tout. Tiens, regarde, ça commence à fonctionner. Non, en fait, je trouvais ça dommage que tu t'affiches alors que tout le monde sait que c'est pas vrai, quoi. Tu vois, je me suis dit vraiment, ça fait vraiment le galérien qui invente des histoires et tout. Ça fait pas le galérien. Je te rappelle que j'ai eu une histoire avec Nicole Scherzinger, hein. Oui, oui. Jusqu'à preuve du contraire, ça, on peut pas me l'enlever. Mais n'importe quoi, mais ça, on te l'enlève aussi, ça, évidemment. Paris Hilton, toutes les histoires que tu nous as racontées. Coco du Standard a quand même cru pendant 2 semaines que t'avais une vraie relation avec Paris Hilton, tellement tu t'amuses à raconter 3 semaines. Et un jour, je lui ai dit, il m'a dit, mais non, mais sans déconner. Au début, Coco venait d'intégrer l'équipe, quoi. Il avait confiance en toi. Il s'est dit, Karel, il va m'apprendre plein de trucs. Non, mais en même temps, je suis désolé, mais Coco, dans sa naïveté qu'on aime beaucoup, je suis désolé, Coco, mais à un moment donné, il m'en regardait droit dans les yeux et tout. Et puis, je me suis senti d'inventer un gros mytho parce que j'avais fait une pub une fois un jour pour Paris Hilton qui avait sorti un single. J'avais fait la pub du truc. Donc, je lui fais écouter la pub et tout machin. Puis là, je lui dis, tu sais que Paris, c'est moi. Ça s'est fait. Et là, il m'a cru. Moi, c'est génial. Le mec, il te croit, donc t'y vas à fond, quoi. Bah ouais, mais tu vas trop, toi. T'as des détails et tout. Mais moi, à la fin, je me suis presque dit, putain, il y a eu un truc avec Paris, quoi. Tu vois, non. Tu vas trop loin. Non, il y a plus grand chose depuis pas mal de temps. Et faut bien rêver. Faut bien rêver de temps en temps, les amis. Hein, je pense que vous êtes nombreux aussi à rêver, hein, devant votre télé, par exemple, ou sur Internet. Alors, on va accueillir Lloris. Vite, Lloris. On enchaîne, Lloris. T'as 17 ans, t'es de Paris, on fait une question à la con. La question à la con de Loving Fun sur Fun Radio. Bonsoir, Lloris. Bonsoir. Salut, Lloris. Bon, t'as un téléphone de merde, Lloris. C'est le cas. C'est, tout à fait. Quelle est la marque de ton téléphone? Motorola. Motorola. Ah oui. Bah là, on a un beau modèle. Il y a le clapet ou la petite antenne encore? Les deux. Tu sais que je suis tombé sur... j'ai regardé Daredevil, mais genre pas la série sur Netflix. Je suis tombé sur le film dans les années 90 et tout. Ouais, Il y avait genre... tu sais, les téléphones avec le serpent, le 3310. Ah oui, mais ça c'est trop bien, mais juste pour le Snake. Ah ouais, c'était trop bien. Il y avait le jeu du serpent et tout, quoi. Et putain, sans déconner, les téléphones... heureusement qu'on a évolué. Ouais, sauf la batterie, le 3310, il tenait une semaine. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai vu, c'est une info, que dans certains pays, genre je sais plus où, mais en Asie, ou peut-être en Inde, il y a des personnes qui l'utilisent comme un sextoy. Oui, maintenant c'est seconde vie pour les 3310, il est utilisé comme sextoy, c'est vrai, et c'est en Asie. Ouais. Parce que le téléphone vibrait et durait une éternité. Ouais. Voilà, maintenant que c'est dit, Lloris, quelle est ta question à la con? Alors, je me demandais, en fait, chez moi, j'ai un Soda Stream et je me demandais, est-ce que si je récupère de la cyprine et que je mets une capsule de gaz, est-ce que je peux faire de la cyprine gazeuse? Oh là là. Ah, c'est une question à base de mouille. Donc, puisque la cyprine, c'est le liquide, tout à fait, Doc. C'est ça. Donc, est-il possible de se faire un jus de cyprine? Je n'y vois pas de, ah ouais, de contre-indication ni de, d'impossibilité technique. Hein. Bien sûr, tu peux. Mais alors, c'est pour réceptionner la cyprine, le risque, ça va être compliqué quand même. Non, tu la récupères comment? Oui. Bah, c'est une bonne question. Loris, alors techniquement c'est possible, à goûter je suis pas sûr que ce soit sensationnel. Hein, même si on met un peu de sucre. Alors peut-être qu'en sucrant l'affaire, à tester bien sûr. Okay. On va faire une bière peut-être. Hein. Oui, carrément. Et d'ailleurs, on a récupéré des bières par rapport à ça d'une marque polonaise. Et je vais vous les faire goûter dans les studios. Et en fait, c'est à base de bactéries de vagin. En fait, c'est Véronica et Monica qui ont fait de la bière avec leur chatte. Mais non ! Oui, oui. Oh putain, une bière de chatte. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, c'est génial. Attends, c'est quoi cette histoire ? Tu savais que ça existait, ça, Loris ? Pas trop, non. Ah, c'est-à-dire que c'est une bière, mais en fait, ils ont mis la bactérie d'un vagin. C'est ça, Alice ? Oui, c'est ça en fait, c'est la bactérie de Véronica et Monica. Et en fait, bah, comme dans toutes les bières ou dans tous les trucs que tu manges, t'as une bactérie, sauf que là, c'est une bactérie vaginale. Je pense pas qu'il y ait un goût vagin ou quoi que ce soit, mais les bières sont très sympas. T'as même la photo de la meuf qui a préparé cette bière. Enfin, c'est pas elle qui l'a préparée, c'est mais. C'est fantastique, demain soir, on la goûte. Elle a donné de son corps. Ouais, on va la goûter. Bacille de Doderline. Le bouffer de la chatte. Ah, voilà, c'est ça. Calme-toi, Loris, enfin. Tu fais le Nonut November, toi aussi? T'as l'air un petit peu taquet. Un petit peu. Non, Loris, il se branle beaucoup, je pense. C'est l'inverse. C'est ça, Loris? Bon, tu sais, c'est pas une honte, hein. Ah ben, au contraire. Si t'as envie de te faire plaisir, fais-toi kiffer. Loris, merci pour cette question à la con. Bon jus à toi. Bisous. Salut. Ciao. Et on va parler là maintenant de ceux qu'on a déjà vus à poil involontairement. Ça peut arriver à tout moment, Alice. Hein. On a reçu un message de Sophie. Elle a vu son grand-père à poil. Et puis, gros choc parce que le mec était en train de sortir. Enfin, le papy, était en train de sortir de la baignoire. Et en fait, il avait une érection et il remettait son peignoir. Donc, elle a vu son papy en érection, quoi. Un peu chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais, franchement, c'est chaud. Si encore il avait pas eu la gaule. Mais là, grosse érection et tout. Ça, c'est bizarre, ça. Et tu te fais un petit kiff, tu sors de la douche et tu fais tenir la serviette avec ta bite. Hein, hein, et bien sûr, c'est des petits jeux comme ça que je vous donne. Bonsoir Thibaut. Hey, salut. Salut Thibaut. Salut. Ah, t'as déjà mis ta serviette sur la bite? Oui. Oh, bah oui. Hein, comme un petit porte-manteau. Oh là là. Bah oui, en plus, ça tient très bien. Ah bah absolument. Voilà. On fait pause serviette, nous, si on veut. Et alors, Thibaut, t'as 22 ans, t'animes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir quelqu'un de ton entourage complètement à poil, involontairement? Mes beaux-parents. Tes beaux-parents. Donc tu tu te trouves chez ta copine, c'est ça? Quand ça s'est passé, oui, j'étais chez ma copine, je dormais chez elle. Et en fait, dans la soirée, j'ai voulu aller aux toilettes. Les toilettes étaient dans la salle de bain. Et puis quand je suis rentré dans la salle de bain, il y avait la belle-mère qui était sur le lavabo. Ouais. Et le beau-père, qui commençait à être entre ses cuisses. Ah, là, c'est chaud. Ah ouais, donc c'était en plus une relation. Vision, là. Même pas juste la salle de bain, et ils sont à poil dedans. C'est éclate, en tout cas, c'est cool. Non, là, ils se douchaient pas, quoi. Ils se douchaient pas. Donc, monsieur allait faire un cuni à madame, c'est ça? C'est ça. Donc, est-ce qu'il voulait essayer la bière? Je sais pas. Peut-être qu'il était en train de réceptionner la bactérie. Hein, mais non, mais Thibaut, alors, quelle est ta réaction? Quelle est leur réaction? Moi, c'est ça qui m'intéresse, le eye contact. Comment t'expliquer qu'il y a eu un gros blocage? Évidemment, je suis resté figé, eux aussi. Et puis, je sais pas, je suis vite retourné, tu vois, dans le lit. Tout d'un coup, j'ai plus envie d'aller aux toilettes, tu vois. Je suis reparti vite dans le lit. Ouais. Eux, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Ouais, je vais pas aller revérifier. Ouais. Le lendemain, je les ai pas revus. Ah, tu les as pas vus au petit-déj? C'est le moment un peu gênant, non. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais le moment gênant, ça a été deux semaines après, quand je suis revenu. Oui. Mais bon, j'ai compris qu'ils étaient assez ouverts d'esprit et ils en ont rigolé. D'accord. Et ils t'ont invité pour faire un truc à plusieurs? Non, pas quand même. Parce que Je pensais qu'ils étaient ouverts d'esprit. Ouais, mais pas. Enfin, eux sont peut-être ouverts, mais moi, pas à ce point-là. Quoi. Tu m'étonnes. Ça va aller, oui. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est eux qui t'en ont parlé? Ouais. D'accord. Ouais, c'est. Ils en ont rigolé pendant un repas. Ah ouais. D'accord. Ils parlent de ça à table. Ah ouais, non, mais dans certaines familles, c'est complètement libéré. Hein. Puis dans d'autres, laisse tomber. Hein. Et ta copine, elle a dit quoi? Ben, ma copine a été un peu choquée, évidemment, parce que, bon, elle voyait pas ses parents comme ça. Mais, enfin, après, je pense qu'elle a compris que ses parents étaient, voilà, un peu chauds et que... Mais il fallait laisser faire. Mais il profitait de la vie, hein, tout simplement. Merci Thibaut, tu restes avec nous. On va aussi accueillir Louis, 18 ans de Poitiers, et Anthony, 19 ans d'Ajaccio. Bonsoir les mateurs, ça va ? Hello. Salut. Salut. Vous en avez vu du monde à poil tous les deux, hein ? Ouais, malheureusement. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. 01 42 48 5000. On vous dira aussi si dans l'équipe on a déjà vu comme ça des personnes toutes nues. Tu ouvres la porte et là, oh putain. Mamie, restez avec nous, on va revenir en plus avec l'énorme tube de Criss Cross Amsterdam, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Fun. Cette semaine, oui, écoutez Fun Radio non-stop. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec deux tubes de Jonas Blue mixés à la suite, j'ai entendu le double fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Et vous gagnez votre PS4 Slim. Et le jeu événement Red Dead Redemption 2. Oh là là là là. Le double fun Jonas Blue. Uniquement sur Fun Radio. Thank you, Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série. Ok, ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW Série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. Fun Radio présente le Yeti Race Tour le dimanche 25 novembre à Tignes. Venez réveiller le Yeti qui sommeille en vous en participant à la course la plus déjantée de l'hiver. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire. Rendez-vous sur yetirace.fr. Le Yeti Race Tour, un événement Fun Radio. Écoutez Fun Radio partout dans le monde sur funradio.fr. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. de 22h à minuit sur Fun Radio. Et tout à l'heure dans Loving Fun, on prendra des nouvelles d'Angèle qui nous avait appelé pour annoncer à sa meilleure amie qu'elle sortait avec le petit frère de sa meilleure amie. Ce qui était assez chaud, hein, parce que sa sœur était très très protectrice. On prendra des nouvelles d'Angèle, on réécoutera ce qui s'était passé à l'antenne. N'oubliez pas également qu'on vous offre un mini drone sur l'Insta de Fun Radio. Il suffit d'aller liker et commenter la photo qu'on vous a postée. On fera un petit tirage au sort avant minuit là pour l'un ou l'une d'entre vous. Il y a un mini drone qui va tomber. C'est la photo où vous voyez toute l'équipe Love in Fun sur l'Instagram de Fun Radio. Donc n'hésitez pas à aller liker tout ça et commenter. En attendant, on va continuer de parler des personnes qu'on a pu croiser à poil. Hein, c'était involontaire. Je suis sûr que c'est arrivé toi, Doc. C'est ta voisine que t'as croisée à poil. Hein, la fameuse Marie. Encore elle. Non. Étant petit, oui, j'ai croisé. Tu fais de la coloc, toi, Doc. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais ça, non. Non, au détour d'une porte, un réfrigérateur. Non, même pas. On fait pas. Alors, jamais ça t'est arrivé, putain. Bah non. Alors moi je suis déjà tombé sur une grand-mère de, enfin c'était la grand-mère d'une ex. J'étais à Antibes. J'étais à Jouan-les-Pins. Et j'étais dans un petit appart et tout. Et donc forcément on était tous un peu les uns sur les autres et tout. C'est quoi cette musique? Et là je vais pour aller aux toilettes. Et donc les toilettes étaient dans la salle de bain et j'ouvre la porte. Et là je vois vieille dame qui me regarde et qui me fait. Je te jure, ça a été le seul truc qu'elle a fait. Elle a fait. Et moi, je la vois, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde. Et là, je me casse. Et, je te jure. Et alors, j'ai vu une espèce. Enfin voilà, j'ai vu une personne âgée qui était toute nue et on sera tous comme ça peut-être, hein, ou pas, je sais pas, mais en tout cas j'ai vu franchement je vous dis. Oh, qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu une énorme touffasse grise. Ouais, ok, d'accord. J'ai vu ça, Kassim. Moi, je voulais savoir comment c'était une chatte de vieille en fait, parce que j'en ai jamais vu. Bah, c'était une touffasse. Bah, tu la vois pas du coup. Mais il y avait pas trop de poils non plus. Mais tu sais, ça a été très, c'était rapide. Je t'ai dit, c'est. Et direct. Et c'est tellement rapide, mais direct le premier truc, tu snipes la chatte quoi, tu vois. C'est le truc dont tu te rappelles. T'as snipé la chatte. Ouais, quoi. J'ai snipé direct. Ah non, c'est vrai, c'est ouf. Hein. Je me souviens même plus de dessin, tu vois. Non, par exemple. T'as regardé la chatte. Ah non, mais en plus. Amateur de chatte de mamie. Amateur de chatte de même. Et alors je me souviens. Non, mais t'étais petit. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, pas du tout, je sais pas, 23, un truc comme ah ça. Ah oui, non, pas petit. Et j'étais pas petit. Et je me souviens qu'après et tout, on avait fait une petite salade niçoise. Et donc, tu vas venir où? En bref. Non, mais on n'avait pas reparlé. On n'avait pas reparlé du truc, quoi. Ah, on a fait comme si ça n'avait pas existé. Louis, est-ce qu'il t'est arrivé une histoire un petit peu similaire ou c'était différent? Toi, t'es à Poitiers, t'as 18 ans, Louis. Ouais, salut Karel, salut toute l'équipe, salut le doc. Salut Louis, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Alors, moi, c'était quand j'étais en train de réviser mon bac, donc l'année dernière. À un moment, j'avais besoin de faire un schéma ou un truc comme ça, puis j'avais pas de règles. Alors, je me suis dit que j'allais aller dans le bureau de mon père pour aller en chercher une. Ouais. Donc, je sors de ma chambre, qui est juste à côté du bureau, et un peu naïvement, j'ouvre la porte en grand. Jusqu'au moment où je vois mon père qui me regarde très gêné avec une main avec un mouchoir qui remonte très très vite son jean, la bite qui dépasse encore du jean et une page Jackie et Michel sur le PC. Oh putain, c'est chaud de voir son daron se branler. Donc tout paniqué, il remet son jean le plus vite possible, il galère à fermer la page Google et tout, et c'est très gênant pour lui, pour moi. Il me regarde, on se regarde et tout. Puis moi, je lui dis ah non, c'est pas possible, ça le fait pas. Donc je lui dis non, mais je vais aller chercher ma règle et puis je vais rien dire. Donc je suis allé chercher ma règle. Ça a été très froid, très très silencieux d'un seul coup. Ah ouais, attends. Puis je suis retourné dans ma chambre avec ma règle le plus vite possible. Aïe aïe aïe. Et Louis, alors vous en avez reparlé ou pas après ce moment de gêne? Ah jamais avec mon papa, je pouvais pas parler de ça. Ouais, voilà. Ouais, bon, ça vous fait un point commun. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça. On imagine parfois que nos parents, ils se masturbent pas ou ils ont pas de relation sexuelle. Oh, c'est des conneries. Hein. Il faut quand même qu'on soit là. Moyen. Ah bon, Louis, pourquoi tu dis ça? Moyen. Ah bah, j'ai déjà entendu plusieurs fois, mais après, bon, bah, c'est naturel, je me dis, c'est normal et tout, mais là, c'est que le fait de le prendre en flag, entre guillemets, c'est. Waouh. Ah, j'avoue, c'est chaud. Quand même, hein. Ah ouais, non, j'avoue, c'est super chaud de voir son papa en train de se taper une petite queue sur Jackie Michel, quoi. Ça, c'est compliqué. C'est clair. Non, mais voilà. C'est vraiment compliqué. Ah ouais, non, mais là, c'est t'as vu ton père à poil et en plus, il était en train de se branler. Donc, forcément, c'est pas évident. Anthony aussi est là. On va aussi demander à Axel, là. Anthony, d'Ajaccio. Oui. Anthony, bonjour. T'as vu qui, toi? Salut. Alors, moi, je vais vous raconter une petite histoire qui va sûrement heurter votre sensibilité. Donc, voilà, c'est-à-dire que. Alors... il plante le décor, quoi. Alors en fait, quand j'avais 14 ans, je suis allé en vacances chez mon cousin à Paris. Et pour vous mettre dans le contexte, il avait l'habitude de se promener un peu tout nu dans la maison. Voilà, c'était devenu presque normal. Et un beau jour, je tombais à nez avec lui. Et il était en train de parler avec sa bite, en fait. Alors moi, au début, je croyais qu'il était au téléphone. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a vu. Je l'ai vu. Il a rien dit. Il a eu peur. J'ai eu peur aussi. Attends, j'ai pas compris. Il était en train de parler avec sa bite. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Je comprends pas, parler avec sa bite, ça veut dire quoi ça? Il parlait à sa bite? Bah, c'est-à-dire que je sais pas, vous faudrait peut-être lui demander, mais moi j'en sais rien. Ah oui, c'est. Je crois qu'il était au téléphone. Mais il faisait quoi alors? Il faisait quoi? Bah, il se promenait tout nu comme d'habitude, à part que oui. Il parlait, la tête baissée. Ouais. Clairement. Donc il parlait à sa bite? Ouais. D'accord. Ok. Non, j'avais pas compris. Donc, il a une relation privilégiée. Il entretient un dialogue avec son sexe. On imagine ça. Et t'as laissé son numéro de téléphone? Je sais pas. Ouais. Demandez à votre truc. Bah, moi, j'ai. Bah, tu sais quand même si tu l'as laissé ou pas. Bah, tu l'as laissé ou pas, Fabien? Anthony. Ouais, j'ai laissé. Mais non. Ouais. Oui. Bah, tu veux qu'on l'appelle ou pas? Bah, allez, mais ça va l'énerver. Ah ben, on s'en fout. Non, mais c'est pas grave, on peut appeler ton cousin, ça va, c'est ton cousin. Allez, appelez-le, faites-vous plaisir, appelez-le. Bah, et t'as laissé le numéro, hein, sinon on n'appelle pas. Hein. Non, faites-vous plaisir, allez. Bon, on se fait plaisir, Alain. Dans la France, un incroyable talent. Peut-être. Allô. Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Fabien, s'il vous plaît? C'est moi. Oui, bonsoir Fabien. M6, bonsoir. La France a un incroyable talent. On se permet de vous appeler. On a reçu une candidature de la part de votre cousin qui s'appelle Anthony. Vous connaissez bien Anthony? Ouais, je le connais, ouais. Tout à fait. Alors Anthony nous a envoyé un courrier ici à la rédaction d'un incroyable talent. Vous connaissez l'émission sur M6? Ouais, je connais. Nous sommes à la recherche de talents, comme vous le savez. Et alors, nous avons entendu et reçu le courrier d'Anthony qui nous a dit qu'en fait, vous aviez la capacité de pouvoir parler à votre pénis. Ah, possible, c'est quoi? C'est une caméra cachée? C'est quoi? Pas du tout. C'est très très sérieux. C'est la M6. Voilà, M6. M6. Et donc, du coup, ce serait pour faire quoi en fait? Ce serait pour passer dans l'émission de télévision. Vous pourriez, on avait pensé peut-être à vous faire un spectacle. Vous seriez, bien évidemment, c'est de la télévision, vous seriez muni d'un petit string, hein, pour quand même le côté fun. Ouais, histoire d'embellir le truc, quoi. Tout à fait. Et là, vous auriez une discussion avec votre pénis. Ouais, ça peut être envisageable, hein, pourquoi pas. D'accord. Alors bien évidemment, c'est rémunéré. Ok. C'est combien de l'heure? C'est pas de l'heure, c'est par émission. Ok. 400 000. Et combien, pardon? 400 000. 400 000. C'est la télé. C'est la télé. Ça aurait été de la radio, c'était 4 €. Mais là, ouais. C'est 400 000, c'est de la télé. Ok. Pour combien de plateaux à peu près? Ah bah là, après ça dépend, hein. C'est le jury qui va peut-être buzzer pour vous, il y aura peut-être le buzz en or, hein. Mmh. Hein, mais c'est un nouveau truc. Est-ce que vous pourriez me faire peut-être une démonstration par téléphone, parce que du coup on aimerait, je suis avec la rédaction là, j'ai deux collaborateurs qui sont à mes côtés, celui qu'on appelle Will et Alice qui sont avec moi, on vous écoute. En fait, c'est quelque chose que je fais dans l'intimité normalement, donc c'est un peu dur de le faire là, en fait. Oui. Mais, alors, et faites comme si on n'était pas là et peut-être nous. Oui. Allez-y. Et en gros, je fais la chose que je fais normalement, quoi. En fait. Ouais, faites comme si on n'était pas là. Okay. Vous êtes dans l'intimité. Ok. Top. Ok. Vas-y, Francky, t'es le meilleur. Francky, t'étais chaud ce soir. Beau gosse, t'es grave déter. Et voilà, je pars sur des trucs comme ça et je me motive, en fait, ça me permet de me motiver et voilà quoi. Wow. Bravo. Voilà, franchement, si on peut parler d'un incroyable talent, on est vraiment dans le thème de l'émission. Ça nous intéresse très fortement. D'accord. Bah, félicitations. Alors, on est avec votre cousin Anthony. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, tout à fait. Anthony. Oui, oui, je suis là. Bah, il a dit oui pour l'émission. Hein. Allô. Allô. Ouais, ouais. Allô. Attends, c'est toi. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Toi qui les as appelés? Ben ouais. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah parce que je pense qu'on a quand même assisté à un truc exceptionnel, toi et moi. Ok. Voilà. Mais comment ça? Mais de quoi tu parles? T'es capable de faire des choses, je pense qu'il faut que t'en fasses profiter tout le monde. On va commencer avec M6, demain plus grand, peut-être. Mais enfin, comment tu sais ça? Comment enfin, c'est quelque chose, il y a que moi qui sais que je fais ça en fait normalement. Mais ah ben du coup voilà, ben maintenant il y a toi et puis il y a tout M6, puis voilà. Voilà. Et à moi. Ok. Et cool. Et Fun Radio aussi, puisque t'es déjà en direct sur Fun Radio, Fabien. Ok. Allez Francky. Allez Francky. Ok. Merci beaucoup. Alors pour la France, un incroyable talent. Bon, vu qu'on est, on fait partie du groupe M6, on peut peut-être mettre le truc au-dessus de la pile. Fabien, s'est parlé si à son sexe. Si vous avez des contacts, moi je suis chaud. On a bien vu. Mais alors, déjà, ce sera pas 400 000. Hein, et puis surtout, il va falloir réviser ton numéro, hein, parce que je pense que là, vas-y Francky, c'est pas fou. Non mais c'est chaud, il y a quelqu'un qui t'appelle comme ça, tu fais ton numéro, genre en mode tu parles à ton pénis et tout, t'es tombé direct dans le panneau. En fait non, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues aussi, je pensais que c'était une blague ça. Ok. Je pensais pas que j'étais à la radio pour de vrai, je pensais que c'était une connerie et voilà je l'ai fait. Ok, parce que tu restais hyper sérieux, genre vas-y Francky, tu lui suis ça, il se met dans son perso et tout, c'est chaud. Ouais, non, j'avoue que là c'est parce que j'étais un peu déter, mais c'est drôle. Et avant de partir, Fabien, est-ce que tu peux nous réinterpréter ton numéro voilà, on va vous laisser pour le kiff, hein, c'est dimanche soir, il est 23h30, voici Fabien pour Fun Radio, un incroyable talent ce soir. Donc je refais pareil. Hein. Vas-y. Francky, ce soir, t'es le boss, ok? Ce soir, c'est toi qui vas rentrer dedans. C'est toi qui vas rentrer dans le lardon. C'est ta soirée. Profites-en. Sois déter. Voilà. Bravo. Fabien, tu sais quoi? S'il y a un petit temps mort dans l'émission, on t'appelle. On t'appelle. Okay, merci beaucoup, Fabien. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir, Fabien. Il est drôle. Ah, il est super, Fabien. Et tu sais quoi, Anthony? Il est vraiment super, ton cousin. Ah, bah oui, bah, je vous ai dit. Ah bah voilà, et bah tu sais quoi, on te remercie beaucoup pour ce moment. Je remercie également Louis avec qui on a passé un bon moment. Merci à tout le monde. Et dans un instant, gros bisous les amis. Salut Louis, salut Anthony. Dans un instant, on prendra des nouvelles d'Angel, 22 ans de Rouen, qui avait annoncé à sa meilleure amie qu'elle sortait avec son petit frère. T'es là Angel? Salut toute l'équipe. Salut Angel. Tu vas nous donner des nouvelles depuis cet appel justement parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Et en attendant, on va écouter l'un des tubes que vous avez été les premiers à entendre dans toute la France sur Fun Radio. Chris Cross Amsterdam, Whenever sur Fun. Baby we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. My mom's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, you might as well get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. That makes me smile. Whenever, wherever, Oh, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. We can always play by ear. And that's the deal, my dear. De 22h à minuit, 0 42 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau sur Fun Radio. Bonsoir à tous, vous êtes dans Love in Fun. Je suis Alice, normalement il y a Karel qui est censé parler, vous accueillir. Mais je crois qu'il est bloqué aux toilettes, normalement il fait caca. Ah oui Karel, attention, il y a un petit bout de papier et... Et on va recevoir Angèle, on va prendre des nouvelles. Parce qu'elle nous avait appelé pour en fait annoncer à sa meilleure pote qu'elle sortait avec son petit frère. Bon ouais, elle fait ça Angèle. Elle avait dit ça. Excusez-moi. Ça s'est bien passé Karel. Excusez-moi, j'étais aux toilettes. J'ai été bloqué par un accident. Non, un petit caca bloqué. Non, c'est pas comme du ça tout. Je fais jamais ça dans cette radio. Alors qui le fait ? Personne ne le fait jamais, mais il y a des traces partout. Moi, je comprends pas. Non, mais vous savez pas, Angel. Oui. Bonsoir Angel. Salut. Angel, tu n'as pas le problème de l'homme. C'est-à-dire que nous, les hommes. Non, mais attends. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va aux toilettes. Il y a toujours une petite goutte. Oh là là, et alors, nous, quand on va aux toilettes, il y a toujours une goutte sur la cuvette qu'on doit essuyer avant de se mettre assis. Donc tu vois, c'est pareil. Ah ouais, c'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que je refuse la goutte qui finit dans le caleçon. Donc parfois, enfin merde. Oh là là, donc en fait, t'es en train de nous dire que t'as perdu 5 minutes pour une goutte. Attends, arrête. J'ai vraiment perdu 5 minutes là. Non, sans déconner. Angel, Sola, bienvenue. On est très content de t'avoir à l'antenne là ce soir. Tu vas nous donner un petit peu des nouvelles de ce qui s'était passé. Rappelle-nous pourquoi tu nous avais appelé, Angel. Oui, en fait, je vous avais appelé parce que j'avais ma meilleure amie donc d'enfance et je devais lui annoncer que je sortais depuis 2 mois avec son petit frère. Et vu qu'elle était, vu que c'est quelqu'un de vraiment protectrice avec son frère, et ben j'avais un peu peur de sa réaction, quoi. J'étais un peu stressée là-dessus, quoi. Donc tu nous as appelé pour qu'on gère l'affaire et on va réécouter ce qui s'était passé à l'antenne. Allô ? Allô ? Oui ? Coucou Chris, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Écoute, je t'appelle là parce qu'il faut que je t'annonce quelque chose. Ça fait 2 mois que je suis avec quelqu'un, tu vois. T'es sérieuse ? Ouais, mais ça se passe super bien et tout, mais le problème c'est que je savais pas comment te le dire, tu vois. Bah, dis-moi, déjà. C'est ça le problème en fait, c'est que j'essayais pas comment te dire parce que tu connais cette personne et que j'ai un peu peur de comment tu vas le prendre, mais en gros, c'est Loïc, voilà. Attends, Loïc, genre mon frère? Ouais. T'es sérieuse? Ouais. Après, ne le prends pas... Enfin, je sais que là, c'est un peu choquant dit comme ça. Carrément, en fait, je sais pas... On savait pas comment te l'annoncer. Mais c'est chaud, les gars. Enfin, je sais pas, c'est chaud. Je suis ta pote, c'est bon. Je sais pas, t'es ma pote, en fait. C'est mon frère. Dis-le-moi, non. Je sais bien, mais après, tu vois, on l'a pas cherché. C'est venu comme ça. On s'est rapprochés, on a discuté. Enfin, en fait, c'est parti à ton anniversaire, tu sais. On avait bien discuté. Et après, finalement, on a commencé à parler... sur les réseaux et petit à petit on s'est trouvé en commun et je veux bien. Après en soi ça fait des années, tu le connais aussi, et je comprends pas pourquoi il se passe quelque chose maintenant. Je veux dire, je sais pas, on est potes, ça fait depuis qu'on est amis mais qu'on est potes, et Je sais, et là d'un coup tu sors avec mon frère. What the fuck en fait, what the fuck. Ouais, je suis un peu choquée là. Avant ça, tu vois, il y avait rien, genre je l'ai toujours trouvé mignon, mais voilà, sans plus, je gardais quand même dans la tête que c'était ton petit frère, mais je sais pas, depuis ce soir-là, ben on s'est rapprochés petit à petit et puis voilà. Après c'est totalement du sérieux, tu vois, c'est pour ça que je t'en parle et c'est pour ça que qu'on a gardé ça secret en attendant d'être vraiment sûr, tu vois. Et du coup, on en est sûr, on s'était dit que ce serait bien que tu sois au courant, enfin. Voilà. Ouais, ouais, carrément, mais bon, je sais pas, c'est chaud. C'est chaud. Eh ben, bonsoir, Tiffany. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Karel, je suis accompagné d'un médecin, bonsoir. Il est sexologue, bonsoir Doc, et d'une animatrice qui s'appelle Alice. Salut. Et alors, Tiffany, t'es dans Love in Fun sur Fun Radio, une émission de radio sur Fun, hein, de 22h à minuit. Et là, Tiffany, alors moi, je ne comprends pas ta réaction. Hein, je te le cache pas. Je comprends même pas pourquoi Angel nous a appelé pour faire ça. Parce que pour moi ça me semble évident. Alors après tu vas me dire ce que t'en penses et ce que tout le monde en pense, mais pour moi ça me paraît évident que pour toi ce qui compte le plus c'est que ta meilleure amie soit heureuse en amour et que ton petit frère il trouve une nana super. Et a priori comme c'est ta meilleure amie, c'est une nana super. Donc où est le malaise? Où est le problème? Mais je te dis pas le contraire, hein. C'est pas ça. C'est que eh ben voilà, tout va bien. Voilà, ça y est. Ouais, ben voilà. Allez, mission accomplie, les amis. Ça y est. Je sais pas si elle vous a raconté, tu vois, mais genre, oui, c'est une fille très bien en tant que pote, tu vois, mais avec ses ex, c'était pas la folie. Et alors c'est de la merde et tout. Et toi, Tiffany, tu crois que t'es mieux avec tes ex? Ouais, peut-être, je dis pas le contraire, mais c'est mon petit frère, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose, c'est normal. Mais justement, il lui arrivera rien. C'est sérieux, je veux dire, je vais pas merder, tu vois, c'est pas du tout mon intention, justement. Et même si ça merde, je veux dire, c'est leur histoire. Ouais, mais je dis pas le contraire, c'est leur histoire, mais c'est mon petit frère, c'est ma pote aussi. Bah, enfin, il y a 19 ans. Voilà, c'est ça, ton petit frère, il est grand, il est majeur et il vit son histoire, il vit ce qu'il a à vivre. S'il est amoureux d'elle, il est amoureux d'elle, elle est amoureuse de lui, et bien voilà, ils vivent leur histoire, ils vont la gérer tout seul. Hein. Non, je dis pas le contraire, mais tu sais, c'est un peu choquant, on m'annonce ça comme ça, ça fait 2 mois. Alice, elle nous a dit qu'elle avait déjà vécu ça. Oui, parce qu'en fait, je trouve que ce qui est chiant dans ce genre de moment, c'est que finalement, quand ta meilleure pote, elle vient te voir chez toi, et ben en fait, tu la vois pas, parce qu'elle est tout le temps avec ton frère, quoi. C'est ça. Donc c'est ce côté-là. Voilà. Tu dois la partager. T'es en soirée avec ta meilleure pote. Bah si y a ton frère, bah ta meilleure pote, elle est avec son mec. Et en plus, son mec, c'est pas juste un mec qui peut être un pote à toi. C'est ton frère avec qui t'as une rivalité depuis peut-être tout petit, tu vois. Où tu t'as pas envie de prêter tes jouets et encore moins ta meilleure pote. Oh putain, vous êtes chiante. Hein. Ah mais moi, c'est pas forcément mon cas. Il lui appartient pas. Mais ouais, dans la forme globale, c'est pas j'ai bien expliqué quoi. Vous allez vous voir deux fois plus souvent et puis voilà. Ouais, enfin deux fois plus souvent, elle va voir mon frère surtout. Bah non, pas que franchement. Non, ça me dégoûte, j'imagine là. Mais non. Ils se roulent des grosses galoches. Ils ont baisé dans ton lit. Voilà, effectivement, on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Hein. Angèle, qu'est-ce qui s'est passé depuis cet appel? Puisque là, on vient de réécouter ton appel cette semaine. Ouais, ben du coup, comme vous avez entendu, c'était un peu chaud au début. Ouais. Mais tout de suite après, on s'est rappelé, on a vraiment parlé pendant une heure et tout. Donc ça s'est un peu apaisé. Ah oui. Et du coup, ouais, aujourd'hui, on est dimanche, totalement décalé. Donc j'avais un repas, donc j'étais invitée chez eux, donc chez Tiff et donc il y avait leurs parents et tout. Donc on a officialisé. Donc là, vraiment, tout le monde est au courant. Super. Et ce qui est bien aussi, c'est que ses parents, ils l'ont vraiment bien pris. En mode, vraiment, ils m'ont dit, ouais, je préfère que ce soit toi qu'une autre. Vu qu'on te connaît depuis longtemps, ils nous ont dit qu'ils étaient heureux pour nous. Donc moi, franchement, ça m'a soulagée. J'étais hyper contente. Donc là-dessus, c'est cool. Je me suis sentie un peu soutenue au moins du côté de ses parents. Mmh. Et bon, pour Tiff, ben, ça va. Elle prend bien le truc. Mais bon, voilà, elle nous chambre quand même. Elle nous a quand même lâché en plein repas de famille. Ouais, c'est quasi de l'inceste, quoi. Margot. Donc, ouais, c'est des petites vannes par-ci, par-là. Ah ouais, non c'est parce que t'es proche de la famille depuis plusieurs années, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas du tout de l'inceste. Hein. T'es juste... Oui, oui, en vrai, c'est pas du tout de l'inceste, mais voilà, c'est sa façon à elle aussi un peu, je pense, de... De rire de la situation. Ben, c'est... Voilà, c'est ça. Ça vient dire qu'elle te voit presque comme sa sœur. Hein. C'est émotionnellement, voilà, c'est que vraiment t'es très très proche. Oui, c'est vrai que je peux prendre comme ça aussi. Bon, ouais, t'as juste à gérer cette relation avec ta meilleure amie, enfin voilà, et puis avec ton petit copain qui est son frère, quoi. C'est juste oui, ça. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis dit maintenant, il va juste falloir que j'essaie de bien partager mon temps entre les deux, quoi. Bah voilà. Eh ben écoute, content que ce soit bien passé en tout cas, Angèle. Tu reviens quand tu veux dans cette émission. Est-ce que je sais pas s'il a un autre frère, hein, on sait jamais. Hein. Non. Bon, eh ben, si jamais elle en a un autre, hein, voilà, un frère inconnu ou un demi-frère, n'hésite pas à nous rappeler. On sera toujours content de t'avoir au téléphone. Je voulais vraiment vous remercier, hein, parce que ça m'a vraiment bien aidé et je suis vraiment soulagée, donc c'est cool. Merci. Bah, n'hésitez pas, franchement, quand il y a un petit truc, parce que franchement, c'est un petit truc, ça, c'est facile. On appelle, on dédramatise le truc, on vous aide. 01 42 48 5000. Salut, Angèle. Salut, bisous. Salut. Axel, toi, Axel, notre auditeur du soir. T'es là, Axel? Ouais. Est-ce que tu t'es déjà endormi en faisant l'amour, toi? Ouais, ça m'est arrivé avec ma copine, ouais. Tu vas nous raconter tout ça dans un instant. Ouais, ça marche. Ah ouais. Non, et c'est la question qu'on vous pose, là. Est-ce que vous êtes déjà endormi, voilà, alors que vous étiez en train de faire l'amour à votre mec, à votre copine? Venez nous raconter. Ça, franchement, si ça t'arrive, c'est que ça sent pas bon. Ou alors... Grosse soirée. Ou alors c'était une grosse soirée. Venez nous raconter, on parle de ceux qui sont endormis pendant l'acte. Et le son dans un instant. C'est Loud Luxury avec Body, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love Info Radio. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Allô? Allô, Annika? Oui, bonjour. Bruno dans la radio. Oh, c'est bien. Tu m'as envoyé une facture de 245 euros. De quoi s'agit-il? Ce sont des billets de train pour faire Lille-Perpignan. L'an dernier, mon chéri a été muté à Lille. On a fait un remake de Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. Et du coup, maintenant, on habite dans le Nord, alors qu'on est originaire de Perpignan. Mais j'adore, moi, j'adore le Nord. Annika, je te paye ta facture. Oh, merci. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Concession BMW, 10h12. Ici, vous avez la série... Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de compter. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Jusqu'au 21 novembre, ce sont les BMW Speed Dating. Craquez pour les offres coup de cœur de votre concessionnaire, comme la BMW série 5 de direction à moins 16 000 euros par rapport au prix du neuf. Offre dans la limite des voitures de direction disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmwspeeddating.fr. Votre pharaon est de retour. Fun Radio présente la 5e édition du Festival Pharaonique au Phare à Chambéry. Pharaonique Festival. Samedi 16 mars. Fun. Retrouvez les DJ Fun Radio, Timmy Trumpet, Offenbach et plein d'autres, tous réunis sur le plus grand dance floor de Savoie. La 5e édition du Festival Pharaonique en direct du Phare à Chambéry. C'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Info et réservation sur pharaonique.fr. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Babe, make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah, body of mine. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah, body of mine. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah. Don't lie. incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. And when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Loud Luxury sur Fun Radio. Love is fun. Love in fun. 22h minuit. Avec Karel, Alice et Doc. Et on vous régale, hein, franchement, cette semaine avec une semaine spéciale So Charm. Et alors, franchement, il y a des montres certifiées Swarovski à gagner en participant à l'examen là, toute la semaine. Franchement, faites-vous plaisir. Hein. 01 42 48 5000. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site, c'est socharm.fr, hein, c'est ça, Alice? Oui, hein, c'est ça. Comme ça, vous pourrez déjà sélectionner la petite montre qui vous fera plaisir. Et quand je dis petite montre, c'est plutôt montre hyper stylée. Donc ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs, Alice, t'avais posté une petite photo sur l'Instagram de Love in Fun, là. Oui, c'est ça, une photo, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir ma montre So Charm certifiée Swarovski, qui est juste canon, de chez canon. Donc, je vous ai mis une petite photo sur Love in Fun, l'Insta. Socharm.fr. On jouera d'ailleurs dans un instant à l'examen. Mais là, maintenant, on va retrouver Axel, notre auditeur du soir, à qui il est arrivé une drôle d'histoire. Bonsoir, Axel. Ouais, ça va? Ça va toujours. Alors Axel, raconte-toi un petit peu cette histoire. Il paraît que tu t'es endormi pendant que tu faisais l'amour avec ta copine. Ouais, truc de ouf. Du coup, donc je rentrais du travail et en fait, je travaillais. Attends, te capte plus là, Axel. Là. Parle bien dans le téléphone. Allô. Ouais, on te capte plus. Vas-y, ouais. Vas-y. Ah, merde, c'est bon là. Ouais, c'est bon là. Ouais. Du coup, je rentre le soir tard après mon service et en fait, ma copine avait envie et moi, j'étais plutôt fatigué. Je me mets dans le lit. Et donc, elle commence à me faire une fellation, et donc... C'est pas bon, Axel. C'est pas bon. T'entends pas terrible. Ah, merde, mais pourtant, j'ai pas bougé. Ah, là, c'est mieux, là. Vas-y. C'est mieux, là? Ouais, super. Ouais. Et donc, en fait, je m'allonge, et j'ai déconnecté, en fait, pendant, ouais, une à deux minutes. Et après, je me suis réveillé, c'était assez bizarre, quand même. Et elle a plutôt mal pris, hein, parce qu'elle s'en est rendue compte. D'accord, donc t'as déconnecté, mais tu t'es carrément endormi ou pas? Ouais, je pense. Enfin, vous savez, un coup de barre en fait, un laps de temps. On ferme les yeux et hop, on se réveille 30 secondes, une minute après en fait. D'accord. Et donc tu faisais pas, tu faisais plus l'amour, tu faisais. Non, en fait, t'es en train de me faire une fellation. D'accord. Ok. Ah ouais. T'as dû débander en plein milieu. Ah ouais, t'as débandé du coup ou pas? Bah ouais, c'était pas le feu quoi. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Si ton esprit part ailleurs, le sexe il part avec, donc c'est sûr tu débandes direct, donc ça elle le voit tout de suite. Ah mais surtout comment tu peux débander lors d'une fellation, enfin je veux dire cet acte incroyable. Ouais, bien sûr. Oh bah, quand t'es crevé, voilà. Bah, c'est de l'hypnose. Ah moi je ne m'endors pas. Hein. Oui Kassim. Oui bah moi ça m'est déjà arrivé de m'endormir mais parce que la pipe elle était mal faite quoi. Ah ouais, genre t'étais pas satisfait. Ouais. On embrasse toutes tes ex, hein, qui ne nous écoutent plus. Ah ouais, non. Alors, il y a Lucie aussi qui veut réagir. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Bonsoir Lucie, t'as 20 ans et t'es d'Agen. Salut. Ouais, c'est ça. Tu t'es déjà endormie en faisant l'amour? Ouais. Vas-y, raconte. Ouais, en fait, on a fait une grosse soirée, genre, on a au taquet bu. Et vers 4h du mat, on va au lit. On commence à se chauffer avec mon copain, tout ça. Et là, on était carrément en train de le faire. Et je me suis endormie, en fait. Genre, mais vraiment. Et il m'a demandé si... j'essayais de lutter contre le sommeil. Mais c'était impossible, quoi. Genre, j'arrivais pas à... Ouais. Mais là, c'était l'alcool qui prenait le dessus quand même. C'était l'alcool, et puis la fatigue parce qu'il était 4 heures du mat, quoi. Oui, bien sûr. Et genre. Et l'alcool, ça endort. Et du coup, après, il m'a demandé si je voulais arrêter. Et j'ai dit non, en plus. J'ai dit non, genre, je veux pas arrêter. Ouais. Mais lui, du coup, il m'a dit non, mais quand même, je vais te laisser, tu vois. Ah, bah oui, ça calme. Hein. Franchement, tu fais l'amour à ta nana. Bah ouais, la nana, elle s'endort. Tu lui dis, tu te dis, putain, j'ai merdé là. J'assure pas, quoi. Là, je suis pas mais au top, pauvre, là. Ouais, grave. Non, mais voilà. Moi, je me suis senti trop mal, quoi, parce que. Bah, le pauvre, quoi, parce que c'est pas lui, quoi. Enfin, c'était juste moi, j'étais crevée, quoi. Ah, oh, putain. Lui, il était en pleine forme. Bah, lui, ça allait. Il allait très bien, et voilà. Mais moi, c'était vraiment impossible, quoi. Ouais, ça t'est arrivé qu'une fois, ça, hein, Lucie. Hein. Ouais, ça m'est arrivé qu'une fois, mais. D'accord, mais. Faut moins boire. Oui, voilà. Ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour faire l'amour. C'est ça. C'est clair. C'est ça. J'y penserai la prochaine fois. Bah voilà. Lucie, on va poser la question à Alice aussi. C'est arrivé déjà de t'endormir ou d'avoir un de tes mecs qui s'est endormi? Ça m'est arrivé une fois, mais ah ouais, on s'est endormi ensemble. En fait, c'était prévu. C'était genre, on s'emboîte, on essaye un peu, puis si on s'endort, on s'endort, quoi. Tu vois? Genre, fin de soirée, tu sais que les deux sont crevés. Et puis au final, tu te réveilles une heure plus tard avec une espèce de toute petite tub toute molle qui est plus du tout à l'intérieur de toi mais juste collée à l'entrée aux portes du vagin, tu vois, parce qu'elle a eu largement le temps de se rétracter. Ah, oh, putain, mais je vois très bien. Bah, vois très bien, voilà. C'était comme ça, mais je l'ai pas mal vécu, on savait, enfin voilà, au bout d'un moment on bougeait plus ni l'un ni l'autre. Ah, mais c'est ça, ça peut être la fatigue. Fatigue, bien sûr. Flo aussi est là, 24 ans de Toulouse. Bonsoir Flo. Ouais, salut la famille. Salut Flo. Flo, il est mort de rire. Ça lui rappelle des souvenirs. Ouais, carrément, ouais. Bah, vas-y, raconte-nous, Flo. Ouais, ben, c'était à l'époque avec ma nana, là. On rentrait de soirée. Bon, on n'était pas bourrés. Hein. On rentrait de soirée, là. Bon, elle, c'était une grosse chiennasse. Elle voulait tout le temps s'envoyer en l'air. Oh là c'est ça. Non, on ne parle pas comme ça, Flo. Juste excité tous les soirs. Elle avait la panoplie complète. Hein. Enfin, bref. Bon, elle aimait ça. Voilà. Elle était séductrice, elle était bien content. Voilà. Ouais. Donc tu étais tombé sur une séductrice. Voilà, bon, c'était ma nana à l'époque, hein. Donc du coup, elle voulait s'envoyer en l'air. Bon, tu sais, moi j'étais un peu fatigué, j'ai dit bon, vas-y, on se met en cuillère tranquillement, tu vois. Et putain, ben tu sais, je suis en train de coucher avec elle, quoi. Et putain, à un moment, elle fait je tu sais, j'ouvre les yeux, je suis quoi, je suis merde, je me suis endormi. Elle a gravé direct, je me suis endormi dedans carrément. Ah, elle putain. Mais c'est fou, ça. C'était tellement tranquillement que ouais, elle m'a dit ouais, je te donne pas envie. Je dis mais si, tu me donnes envie, mais j'étais trop bien avec toi, c'est pour ça que je me suis endormi. J'ai essayé de glisser le quenel, mais ça a pas marché. Ah putain, ouais. La vraie raison pour laquelle tu t'es endormi, Flo, c'était à cause de quoi? Moi, j'étais fatigué, quoi. J'ai pas trop envie, voilà, quoi. Juste crevé, quoi. Ouais, mais voilà. Ouais, voilà. Mais faut pas se forcer. Bah, t'es fatigué. C'est naturel de s'endormir. Et puis, c'est effectivement que t'es très relaxé et en étant dedans. Hein. Du coup, le lendemain, j'ai mis une grosse session. Elle était contente. J'ai mis une grosse session. Bien sûr. Flo sera donc notre poète de la soirée. Et en plus, il s'endort. Vas-y, Ah, tu fais pas rêver Alice, là, Flo. Non. Ouais, mais Alice, je suis sûr, elle est pas très coincée. Je pense qu'elle a le pouvoir d'esprit. Ah oui, non, bah ça c'est sûr. Je suis pas coincée, mais voilà. C'est pas pour ça que je dis que les gens sont des chiennes ou que je l'ai laminé, je l'ai bourré, je l'ai machin. En attendant, tu t'endors, quoi. Donc le super coup, faudra repasser, quoi. Allez. Non, mais elle, c'était vraiment le cas. Là, y a pas à dire. Hein, c'était une bouche avec elle. Y a pas d'autre. Une bouche. Oh là là. Flo. J'aime bien ton rire. C'est déjà ça. On va accueillir Cécile, 25 ans de Bourges. Bonsoir, Cécile. Salut Karel, salut Doug, salut Alice. Salut. Cécile, je peux pas croire que tu t'es déjà endormie en faisant l'amour. Ah, moi non, mais mon ex, oui. Ah, voilà, c'est pas toi, c'est ton ex. Comment il a pu s'endormir? Ben moi, en fait, je suis de la team matin. C'est-à-dire que au réveil, dès le matin, rien de tel qu'une bonne levrette, quoi. Ah ben voilà, ben, ça c'est belle philosophie de vie. Bravo, Cécile. Voilà, exactement. Et on était en train de faire ce qu'on avait à faire. Et je sentais que le rythme ralentissait de plus en plus. Ouais. Et au bout de 2-3 minutes, un poids mort s'est écrasé sur moi. Oh putain. Et il s'est endormi. Oh merde. Mais trop très net, quoi. Genre, il t'a écrasé, mais genre, rien à foutre, quoi. Et... Ah bah, je suis tombée à plat comme une étoile de mer, quoi. Et qu'est-ce qui expliquait il a fait peut-être un malaise? Non, je pense pas. Bah, vu comment je l'ai engueulé après, je pense qu'il aurait bien simulé un malaise. Ah, mais non, je sais pas. Je pense qu'il était encore un petit peu la tête dans le pâté. Et, mais... Ouais, c'est ça. Ah, c'est le matin. Entre deux sommeils. Ah, et non, c'est le matin aussi, Cécile. Ah, bah, au réveil, au taquet, quoi. Ah, t'arrives à faire l'amour le matin, là, avec la gueule qui pue et tout Ah ouais, mais après, en levrette, t'en fous, il n'y a pas la lèvre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une bonne position, le matin. Non, le matin, c'est impeccable. Ah bah voilà. Eh bah merci, Cécile, pour ce petit conseil matinal. Il y en a plein qui vont se réveiller demain en pensant à toi très fort, j'en suis sûr. Mais il faut être tonique, quand même. Ah bah, il faut avoir la pêche dès le matin. Hein. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Bonne soirée. On embrasse Lucie, salut. On embrasse Flo et tous ceux qui bonne sont passés à l'antenne là pour nous dire voilà quand ils s'étaient endormis, quand ils faisaient l'amour. Et on a une question à la con, c'est Aline. C'est parti. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Avant de retrouver Mikosé pour Party Fun Deep, on va tout de suite retrouver Aline pour sa question à la con. Elle a 25 ans, elle nous appelle de Reims. Bonsoir Aline. Bonsoir Love in Fun. Bonsoir Aline. Alors, quelle est cette question à la con ce soir que tu veux nous poser? Alors, ma question à la con, c'est est-ce qu'à force de faire trop l'amour, on peut avoir des courbatures ou des crampes vaginales? Mais c'est une très très bonne question. Bien sûr, oui. Mais... Est-ce que ça existe les crampes du vagin, Doc? Bah, à partir du moment où il y a des muscles, oui, ça peut avoir des crampes partout, hein, de toute manière. Mais, là comme ailleurs. Ah d'accord, donc on peut avoir des crampes au niveau du vagin. Oui, oui, il y a des muscles, donc il peut y avoir des crampes. Eh ben, Alice, t'as déjà eu des crampes de vagin? Non, non, pas eu de crampes. Non, jamais Non, mais de la mâchoire une fois. Ah oui, alors ça c'est... c'est différent. C'est une question, une réponse. Hein, ah bah, merci Alice pour ta franchise et ta générosité toujours. Ah, Aline, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu en as déjà eu toi? Non, mais je me suis posé la question récemment, donc voilà, j'ai ma réponse, donc je me méfierais. Alors comment on fait pour étirer son vagin, Doc? En général, il faut justement contracter. Quand t'as une crampe, il s'agit de contracter l'endroit où t'as la crampe, justement. Donc voilà. C'est aller dans le sens pour que ça puisse passer. Ben voilà, le conseil en plus, Aline, contracter son vagin. Ce qui favorise aussi les crampes, c'est le manque de magnésium et le défaut d'hydratation. Donc voilà, faut bien boire, bien s'hydrater et prendre du magnésium, manger du chocolat. Voilà, et du chocolat. Et le chocolat est, paraît-il, aphrodisiaque. Ça vous permettra de faire l'amour. Aline, merci d'être passée ici. Avec plaisir. Allez, bonne soirée, Love in Fun. Gros bisous. Salut. Salut Aline. C'est Axel, notre auditeur du soir, qui termine cette émission. Axel de Nice. Depuis 22h avec nous ce soir, Axel, l'antenne est à toi et rien qu'à toi. Fais-toi plaisir, Axel. Oh là. Je ne sais pas quoi dire en vrai. Bonne soirée à tous. Hein. Et bah... Les gars, qui m'ont reconnu. Et voilà, c'était cool de passer en tant qu'auditeur du soir pendant 2 heures avec vous. Eh bah, ben merci beaucoup, Axel. Soigne bien ton téléphone. Hein, ça va être important parce que là, il est en train de décéder. Non, mais c'est juste qu'on te capte moins bien. Mais c'est pas grave, franchement, Axel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain soir, 22h minuit, comme tous les soirs. Love in Fun du dimanche au jeudi de 22h à minuit. Le dimanche soir, on a le plaisir de retrouver Mikosé. Oh, bonsoir, Miko. Bah, je vais pas dire le contraire. On est dégoûté de retrouver Mikosé. Ah, putain, merde. Mais pourquoi on pourrait pas être honnête? Ah bah non, mais... Non, mais c'est faire semblant de se dire bonjour à l'antenne alors qu'on s'est vu tout à l'heure à 17h. Oui, non mais ça c'est normal. Ça c'est normal de te dire bonsoir alors qu'on s'est vu tout à l'heure, effectivement. Mais on est dans l'honnêteté. Moi je suis content de te voir et... Bah, moi aussi. Et que ce soit toi, bah, voilà. Mais ce serait plus drôle de dire ah, on va se trouver ce connard de Mikosé à 6h. Si tu veux, je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça. Peux-tu nous faire la grille des problèmes de demain, tu vois? Bien sûr. Non. Non, mais non, non, non, parce que là, je vais faire toute la grille et tout. Non, pas de ça. Pas de ça. Par contre, une belle émission ce soir. Pendant une heure, il y a du mix, Miko, madame, maintenant. Il y a du mix, il y a des nouveautés, il y a plein de choses à découvrir. Et ben voilà, profitez bien avec la belle voix suave de Mikosé. Et c'est parti, Fun Deep, jusqu'à 1h du mat. Bonne nuit tout le monde et à demain. Salut. Ladies and gentlemen, welcome. Feel this sensation. The deep. The party. The fun. Come on and feel it. Try it. Come on and live it. Party Fun Deep. With Nico. Eh ouais, le dimanche soir, c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On est lundi matin. Non, que nenni. C'est dimanche soir, on profite pour prolonger le week-end avec une petite heure en mode deep house, tous les sons, indie dance, les discos qui vont bien. Je vous les mixe jusqu'à plus d'une heure du matin avec plein de sons ce soir, plein de grosses nouveautés. Et j'ai complètement craqué sur une jeune chanteuse suédoise qui s'appelle Pau. On va l'écouter dans un instant avec Promised Land, grosse nouveauté à découvrir dans Party Fun Deep. Le son de Sophie Francis également, Without You. Et on démarre avec Olinsky, grosse nouveauté là aussi. Le morceau s'appelle Gravity. Je m'appelle Mikko C. Welcome on board. It's Friday night, gonna live up the moment. I'm just trying to feel like I belong in my own skin. Cause it gets easy to pretend. Watching me walk away, standing up, ooh, and keep running, running.